question-là, il faut qu'il se passe des choses. La semaine dernière, Alain Françon, le metteur en scène, était là avec nous et racontait son premier souvenir de théâtre. Il a vu Oncle Vania, Tchekhov, quand il était très jeune. Il a vraiment dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on s'ennuie à regarder des gens qui eux-mêmes sur scène s'ennuient. Toute l'histoire d'Oncle Vania, le temps qui ne passe pas, etc. Cette question-là, on y revient. Ça ramène aussi à la question du rythme, à la question de ce qui se joue, de la dramaturgie. Comment on dose ça, Jean-François Civadier, sur un plateau de théâtre, ce moment où on est proche. C'est vachement intéressant. Bah oui. Mais c'est difficile à représenter. Ouais, mais en t'écoutant là, je pensais à des metteurs en scène comme Régis et Claude Régis qui l'ont mis en question en fait là, qui ont mis sur le plateau la question de l'ennui, qui l'ont mis en crise. Le curseur était très très haut. Ouais, et tout d'un coup c'est totalement vertigineux, c'est un vrai moteur de la représentation. Il y a des, je pensais au film de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry. Ouais. Par exemple, enfin, c'est très intéressant les réalisateurs qui tout à coup posent cette question font de l'ennui possible du spectateur un vrai moteur. Au bout d'un moment, ça se retourne, c'est-à-dire c'est plus du tout ennuyeux. Ça pose aussi la question du rythme en fait. Alors, il y a une chose que moi j'essaie de faire au théâtre, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand un spectateur arrive au théâtre, il a 10 ans et demi et il attend tout de ce qui va se passer, donc il est en état d'exigence et d'impatience, d'attente énorme, et c'est cet état-là qu'il faut essayer de prolonger pendant une demi-heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est pas forcément en allant le chercher, en allant le flatter ou en le prenant dans le sens du poil, mais en tout cas cette question de renouveler l'écoute tout le temps, de mettre en question le présent, etc. C'est des questions très très importantes, enfin que je me pose tout le temps. Ouais. Et qui se pose différemment encore quand il s'agit de fiction radiophonique. Benjamin Habitant, on a évoqué l'écriture qui arrive. Après, je crois, vos premières années de comédien d'abord, puis même avant votre première, après même votre première mise en scène, mais depuis 2010, donc vous écrivez pour la radio, on a compris que depuis quelques temps, ce n'est plus du tout pour le théâtre, mais vous écrivez des histoires, toutes sortes d'histoires, on va en parler. L'intérêt pour la radio, il remonte loin, vous avez raconté les souvenirs. France Inter dans la cuisine avec votre père, France Info dans la voiture avec votre père, le côté plutôt anxiogène, et puis la fameuse émission Contre-Courant sur Radio Galère à Marseille. Ça c'est les années lycéens, mais ensuite donc c'est comme comédien d'abord que vous travaillez pour la radio, après comme auteur. Et puis, vous apprenez qu'il y a un concours ici à Radio France pour devenir réalisateur. Long chemin d'ailleurs, mais vous êtes choisi. Qu'est-ce que vous avez découvert comme horizon nouveau en réalisant des fictions pour la radio ? Commençons par là. La fiction, faire de la radio, du théâtre, j'ai fait un petit peu de scénario de bande dessinée. En fait, le point commun de tout ça, c'est juste raconter des histoires. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la magie, on va dire. Avec peut-être la science aussi qui arrive à faire des trucs pas mal, mais c'est ça le fil conducteur quoi. Quand j'ai commencé à faire des fictions pour la radio, j'ai vécu quelques années dans l'illusion que j'avais trouvé ma vocation, ma place dans ce monde, que je faisais un truc que j'arrivais à bien faire et que je prenais du plaisir à faire. Et puis en fait, j'ai découvert que c'était pas ça non plus, enfin que ça pouvait aussi être autre chose que ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer des images mentales dans la tête des gens. Et donc ça, on peut y arriver de plein de manières. En faisant du cinéma, en construisant vraiment des représentations, ou alors en faisant de la littérature, où il n'y a rien dans les mains, rien dans les poches, puis c'est vraiment c'est les gens qui sont mis à contribution. Puis ce qui est bien avec la radio, c'est que c'est vraiment entre les deux. Il y a une sorte de collaboration permanente entre nous et les destinataires. Les gens qui écoutent. Et si les destinataires sont pas au travail, ça marche pas. Donc il faut arriver à les mettre au travail en leur donnant pas tout, justement, voilà, un peu ce que tu disais. Et ça j'aime bien parce que ça fait que l'œuvre est toujours une relation. Enfin, c'est l'œuvre est notre manière d'entrer en relation, même si on est séparés peut-être par plusieurs siècles, c'est pas grave, mais C'est toujours l'affaire d'une relation et pas d'être enfermé dans l'identité de cette chose qu'on a créée. Alexandre Fougeron, qui réalise, lui, cette émission, a concocté un petit mix de trois de vos réalisations. La Préhistoire du Futur, saison 1. Les Aventures de Tintin au Tibet, alors c'est toutes deux pour France Culture. Et La Chute de Lapinville pour Arte Radio. 1, 2, 1, 2. Ça marche, là ? Il y a bien longtemps, en 2016, on connut enfin une apocalypse zombie. Il y avait longtemps qu'on en voulait une. Mais tu penses quoi de l'apocalypse ? Je sais pas. L'opinion hésitait. Mais restait frileuse. Les gens avaient peur pour leur cerveau. Pour les rassurer, on entreprit de mettre en avant la culture zombie. Chaque jour, à heure fixe. Ils donnaient une représentation de Hamlet. Un Hamlet zombie. Hamlet, à la réserve zombie. Ah ouais, ça me dirait bien de voir un classique. Le Hamlet du Club Théâtre connut un succès foudroyant. La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Anna Sigalevitch et Lucienne Bravo se font face pour parler de Hamlet par le Club Théâtre de la réserve zombie à l'Odéon jusqu'au 30 avril. Avant d'en parler, on écoute un extrait. Lucienne Bravo, votre regard sur ce Hamlet zombie. Écoutez, j'ai une tendresse particulière pour le Club Théâtre que j'ai découvert il y a quelques années en visitant la réserve zombie. Leur Hamlet est un pari audacieux qui mord, si j'ose dire, dans Shakespeare. Anna Sigalevitch, votre sentiment sur ce spectacle ? Oui, je pars. Anna, j'ai l'impression que ce spectacle vous travaille beaucoup. On est en direct toujours. Votre avis ? Ah ben c'est un spectacle remarquable, fascinant. Il y a presque quelque chose de contagieux. Je crois qu'il va falloir s'occuper d'Anna. C'est le spectacle d'éteint sur cette émission. Non mais, s'il vous plaît. Tintin, au secours. Tintin. Chang. Mon Dieu. Ce n'était qu'un rêve. Salut, fiston. Alors, bien dormi? Bonjour, capitaine. À vrai dire, non, j'ai fait un horrible cauchemar. Un cauchemar ? Oui, j'ai rêvé de mon ami Chang, vous savez, le jeune Chinois que j'ai connu durant mon voyage à Shanghai. Je l'ai vu, c'était effrayant. Meurtri, blessé, et il tendait les mains vers moi en m'implorant de venir à son secours. C'était hallucinant de vérité. J'en suis encore bouleversé. Allons, allons, ce n'est rien. Songe, mensonge, dit-on. Remettez-vous. Vous voulez du café ? Volontiers. Le pire est derrière nous, c'est ce que montre une enquête de l'OCDE. Le Premier ministre le répète, tous les indicateurs sont au vert. Après le terrible traumatisme. Des lendemains qui changent. Il y a de la joie. Il y a un espoir. Je peux pas dire que ça m'enchante, mais bon. Un petit mix, Benjamin Habitant. Bravo, bravo Alexandre Fougeron. Noé Debré, qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter Benjamin Habitant, alors à part vous faire de nouveaux copains? Si, ça compte. Qu'est-ce qui me donne envie? Je n'ai pas dit que ça comptait c'est vrai, pas. Non, c'est vrai. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus... Au monde. Oui, bon. J'écoute une quantité malsaine de radio. Non, c'est toujours sain d'écouter la radio, beaucoup. et je crois, mais ça rejoint ce que... Voilà, c'est cette idée que le hors-champ, en fait, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas, enfin, de la place que ça laisse à l'imagination. Je pense que c'est quelque chose qu'on envie quand on fait du cinéma, quand on fabrique des images. On est obligé, et je pense que quelque part au théâtre, c'est pareil. Ça veut dire qu'au théâtre, il y a la convention théâtrale. Donc, en fait, si vous décrétez que maintenant, il y a un éléphant sur scène et que les acteurs voient l'éléphant, les comédiens voient l'éléphant, bah, il est là, l'éléphant, et puis ils vont jouer avec, ils vont le faire apparaître. Alors qu'au cinéma, si vous voulez un éléphant, bah, alors là, le directeur de production va vous dire attention, parce que l'éléphant, bah, alors tu peux tourner une heure par jour, et puis, tu vois, il y a des gens qui protègent les animaux et ça, et c'est normal. Mais ton éléphant, tu l'auras probablement jamais. Et donc, en fait, tu le, et puis du coup, et ce qui est en plus un peu vicieux là-dedans, c'est que tu te interdit l'éléphant, tu te refuses de l'imaginer parce que tu sais bien qu'en fait il sera pas là, alors que au théâtre et encore plus en radio, ce qui me fascine c'est que tout apparaît, tout est là, et donc en fait ça crée des univers mentaux, enfin des imaginaires extrêmement riches. Et par ailleurs, ce que j'adore, c'est, et je pense que ça, et c'est marrant parce que je m'étais pas rendu compte de ça, mais en fait, ça me renvoie à mon adolescence quand j'écoutais Les 2 minutes du peuple de François Pérusse. C'est c'est tout ce qu'on comprend de ce qui se passe sans évidemment qu'on nous le dise, quoi. Tout ce, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom technique. Tout ce qui, qu'on comprend qui se passe sans qu'on nous le dise. Bah, c'est-à-dire que là, il y a des sons, et puis on va comprendre, par exemple, que, qu'il se passe truc en arrière-champ, enfin, au second plan, et puis il ne va pas y avoir le narrateur qui dit pendant ce temps-là, il se passe ceci, mais on va le comprendre, et, ça, et je trouve que ça te crée des effets comiques extraordinaires. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas, enfin, pour celles et ceux qui voudraient proposer des textes à la radio, éviter de décrire ce que les gens sont censés voir, quand même. Ça, c'est la base, Benjamin Habitant. Bah, ça dépend. Il y a plein de contre-exemples. Oui, forcément. C'est vrai que voilà, quand on commence, c'est le conseil qu'on a, en effet. Attention, il ne faut pas faire des choses trop visuelles. Puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que si, il faut faire essentiellement... tout ce qu'on fait, c'est fabriquer des images mentales. Bien sûr. Il faut être visuel. Et parfois, il n'y a pas d'autre solution que de décrire. Comme dans cette scène de Lapinville où on décrit un rond-point, un buis de rond-point qui a le même aspect de tous les côtés. C'est le truc qui ne peut exister qu'à la radio. Mais quand il s'agit d'adapter Tintin, là c'est un cas d'école très particulier. Il y a plusieurs albums que vous avez adaptés au-delà de, j'imagine, des contraintes juridiques nombreuses. C'est très très très encadré. Le problème, c'est qu'évidemment tout le monde a s'est créé les voix de ses personnages déjà. On a un univers sonore qui va avec une bande dessinée qui a un écho et un accueil pareil depuis des décennies. Comment on fait? Ce qui est pratique, c'est la contrainte de faire avec la Comédie Française. Donc on peut procéder un peu par élimination. Tintin et Milou, on avait fait des essais avec pas beaucoup de gens, mais très très vite, on a compris que c'était Noam qui allait faire Morgan Tintin. Stein. Morgenstern, pardon. Et maintenant. Milou aussi, t'as fait des essais. Alors, oui, parce que je voulais que le duo marche. Donc, au début, c'était Jérémy Lopez qui faisait Milou, parce que Milou parlait. Et puis. À mesure que Tintin avance, Milou a de moins en moins de répliques. Donc Jérémy, bon, commence à faire un peu la gueule. Et c'est Marina Cap, qui était académicienne à la Comédie Française à ce moment-là, qui s'est mise à faire Milou. Et le duo marche aussi hyper bien. C'est génial parce que Milou, il a quand même des répliques, mais il les pense. Donc on ne peut pas les incarner, mais elle les joue en chien. Elle lit le texte de Milou qui est imprimé dans une autre couleur pour pas qu'il soit prononcé, puis elle l'interprète en chien. Ouais, c'est hyper bien. Et donc, la contrainte de la Comédie Française fait que c'est pas trop compliqué. Si on m'avait dit t'as droit à tous les acteurs qui existent, ça aurait été beaucoup plus dur, je pense. Et maintenant, on s'est habitué. Maintenant, pour moi, la voix de Noam est indissociable du personnage de Tintin. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens, heureusement pour lui. Mais cette anecdote que le chef op Bruno Morland veut toujours que je raconte dès qu'on parle en public, et que le petit garçon qui avait écrit à la radio pour dire le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les livres. Et en fait, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que les lecteurs fabriquent la voix dans leur tête, puis ils sont co-créateurs de l'œuvre. Et donc là, c'est un autre compromis, mais il suffit de s'habituer, et puis on trouve comment ça se danse, cette nouvelle collaboration. À force d'écouter de la radio et de la fiction à la radio, Noé Debré, vous n'auriez pas envie d'en écrire? Vous êtes un peu occupé, on a compris. Ouais, c'est ça. Il faut un peu choisir ses batailles. Je suis pas forcément quelqu'un comme ça qui, dès qu'il voit quelque chose qu'il adore, se dit qu'il devrait pourquoi pas moi prendre la place. Donc, je suis. Non, je suis très heureux d'en entendre ça, d'en écouter, quoi. Ça me... En fait, je trouve que c'est des espaces d'expérimentation que j'en vis beaucoup. Ouais. La radio, la BD. Et puis aussi, on voit... Enfin, j'ai eu le sentiment, après, je ne sais pas, peut-être que je suis arrivé tard là-dedans et que du coup, je découvre des choses, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu une explosion de radio. Enfin, qu'il y a eu une... Alors, peut-être que c'est parce que j'ai découvert, mais que tout d'un coup, j'ai découvert un monde. Et qu'il y a énormément de choses qui s'essayent. C'est le contraire d'un art jeune, c'est plus vieux que le cinéma. Mais il y a un renouveau, quoi, En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Vous le sentez comment, Benjamin ? Les habitudes d'écoute sont renouvelées avec le podcast, le fait que tout le monde ait un ordinateur dans sa poche et un casque. Et ça crée un autre rapport, même enfin, avec la fiction, c'est génial, puisque les gens ont une écoute beaucoup plus concentrée. C'est pas en faisant la vaisselle sur un petit haut-parleur mono dans un coin. Et donc, il y a une notion d'immersivité qui est plus grande. On peut s'offrir l'ambition de dire on va vraiment créer un univers dans lequel on va proposer aux gens de visiter. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène de l'éléphant là dont tu parlais, où c'est comme à chaque fois, je pense à Frédéric Berthet qui parle du restaurant en disant c'est magique, on dit le nom d'un plat et il apparaît. Et pour moi, la fiction radio, c'est un peu ça. Je suis dans une espèce d'état de démiurge fou, je peux convoquer tout ce que je veux et ça ne coûtera pas plus cher. Quoi. Si on c'est prend ça. La scène, on prend une scène qui se passe dans une bagnole, dans un café à Paris, puis que finalement elle se passe sur Mars, ça coûte le même prix. Donc, et ça, c'est possible. Vraiment... Oui. Non mais ça, c'est génial. Ouais. Et en plus, je pense qu'on va au-devant d'un truc, parce que moi, je vois, par exemple, ma fille, elle a 4 ans, elle a une radio, une petite radio là, de Radio France. Là, je fais avec les petites histoires. Ouais. Et donc, je pense qu'en fait, il y a des enfants qui grandissent aujourd'hui avec une habitude. Je pense que toi, c'est pareil, non ? Mmh. Tes enfants, ils écoutent beaucoup d'émissions, parce qu'on ne veut pas leur montrer de téléphone. Donc, en fait, on leur met la radio et des trucs pour enfants à la radio. Et donc, je pense qu'ils grandissent avec une éducation à la grammaire radiophonique encore beaucoup plus développée que nous. Donc, je pense que ça va faire que s'amplifier, bien que je soupçonne que ce soit très français. Je ne sais pas comment ça se passe. Quand vous voyez, enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse un peu en ce moment, c'est quand vous voyez le nombre de films et de séries hollywoodiennes qui sont adaptés de podcasts. Ah oui. Oui, c'est vrai. Vous voyez que quand même, ça marche plutôt bien. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est quand même une terre, Benjamin Habitant le confirme, une terre extrêmement riche de ce côté-là. Mais vous avez employé un mot qui a fait tilt tout à l'heure, c'est celui de mono. Benjamin Habitant, et c'est vrai que ça aussi, on pourrait se dire à la radio, tout est possible, binaural. Hein, vous aimez bien travailler le son sale. Et c'est une des choses que j'aime bien dans votre travail, c'est que voilà, la mono, c'est un bon outil pour l'imaginaire. Pour la mono, oui. Il y a une phrase de je ne sais plus qui, est-ce que la voix de Dieu est en mono ? J'aime bien ça. Puis quand on est petit, quand on est un fœtus, on entend en mono. Et puis comme quand on est dans l'eau, parce que le son est conduit partout. Et puis on entend surtout par conduction osseuse, et puis pas par les oreilles. Et il n'y a plus de stéréo comme ça, de phase. Et donc il y a cette espèce de sentiment océanique d'être dans le son qui n'est pas permis par la stéréo, puisqu'on est précipité dans l'espace. Et donc, et puis après, il y avait aussi, c'était surtout quand j'ai fait la dernière séance avec mon téléphone portable sur comment je me suis séparé de mon pied, où là, il y avait plus aussi un truc un peu iconoclaste à force de travailler avec des chefs opérateurs du son hyper compétents qui font très très attention à plein de trucs, de dire qu'est-ce que ça donnerait si je disais que je respectais aucune de ces règles et que je faisais le truc le plus pourri possible en termes de qualité de sonore, est-ce que je pourrais quand même raconter une histoire ? Et puis tout d'un coup aussi, utiliser le binaural, la stéréo pour l'effet magique qu'il apporte aussi, parce que à certains moments du récit, l'effet stéréo va servir. Oui, c'est encore une fois un petit peu le truc de l'histoire versus le projet de l'œuvre. Où est-ce qu'on place le spectateur finalement ? Qu'est-ce que je fais de mon destinataire ? Où est-ce que je vais mettre mon invité ? Et donc la radio, elle pose ces questions-là. Oui. Et d'autres encore. Bon, on a fait déjà le tour de cette. De ce moment, tous ensemble sur le plateau, il y a beaucoup d'actualités. Il y a une autre séquence qui suit, bien sûr, comme chaque semaine. On va aller dans un théâtre avec Aurélie Charron et on va aller à la commune d'Aubervilliers ce soir. Alors, beaucoup d'actualités. Donc, je l'ai dit, le sens des choses, ça arrive à partir du 28 mars sur Max. Parlement, saison 4, c'est pour ? Eh bien, je ne sais pas, il faut appeler les gens chez France Télé. Ils ont dit à Anaïs Isebert, en avril normalement. Voilà, c'est ça, ils disent en avril. Prochain. Donc, okay. Appelez-les, faites exploser le standard de France Télé pour leur demander quand est-ce que c'est une bonne consigne. Benjamin Habitant, quelles actualités à se mettre dans les oreilles vous concernant ? C'est facile, la chute de Lapinville sur Arte Radio, un épisode par jour. Voilà. Donc, plus le dimanche, mais lundi et mardi, on peut voir Solal Boudnine. Tout à fait. Rue Le Pic. Rue Le Pic. Au théâtre Le Pic, vous avez été dans le privé. Oui. Après beaucoup de public. Mais c'est un théâtre accueillant. Très accueillant, avec une superbe équipe. Ben voilà. Et j'en profite pour dire que j'ai pas nommé tout à l'heure mes metteurs en scène, c'est Maxime Nicolas Jack et Olivier Veillon avec qui j'écris le spectacle. Ben, ils ont déjà saturé le standard parce qu'ils étaient scandalisés. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'ils m'envoient des textos tout à l'heure, donc je le dis. D'accord, vous faites bien. Jean-François Civadier, reprise de Sentinelle à Paris, Paris Billette du 11 au 21 juin, Portrait de famille, une histoire des Arthrides au Rond-Point du 19 au 29 juin, le texte est édité, et puis côté opéra, c'est demain la dernière du Barbier de Séville à Lille. Lundi. Il y en a deux ce soir et lundi. Ah ben voilà, ouais. L'Opéra de Lille, une bonne maison que vous avez souvent fréquentée. Vous y avez notamment monté une production de Carmen que vous reprendrez à l'Opéra de Lausanne très prochainement. J'ai fait le tour, je remercie tout le monde et je remercie évidemment Ronnie Alter, Jean-Baptiste Soulard et Romain Didier qui ont assuré le live parole. Et merci à vous, Noé Debré, d'avoir régalé avec vos invités. Comme chaque semaine, on va maintenant sortir du studio pour aller dans un théâtre grâce à Aurélie Charron. Comme un samedi. L'avant-scène. Aurélie Charron. Dans sa première pièce, The Quest, le comédien Cédric Eckhout sondait la construction de l'Europe et celle de sa famille. Il avait demandé à sa mère, coiffeuse à la retraite, de faire partie de l'aventure et d'être sur le plateau. C'était sa première au théâtre. Puis est venue l'idée d'un spectacle avec sa mère au centre pour raconter l'histoire d'une femme de sa génération, pas forcément consciente d'être féministe, mais qui pourtant ne s'est jamais laissée faire. La pièce s'appelle Héritage, et Jo Libertio devient comédienne à bientôt 80 ans grâce à son fils. Ils seront ensemble sur scène au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers du 12 au 14 mars. Bah maintenant, ma mère est une actrice. Et ma mère est une collègue. Et ma mère voyage avec moi. Ma mère est rentrée dans la famille que je me suis choisie. C'est la chose qui, je pense, me touche le plus. Parce que l'endroit du jeu, du théâtre, mais même du jeu en général, c'est la famille que je me suis choisie. Et du coup, faire rentrer ma mère dans cette famille, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ouais. La première fois que le comédien Cédric Eckhout demande à sa mère de jouer sur scène, c'est pour sa pièce « The Quest », où il faisait le parallèle entre le démantèlement de l'Europe et celui de sa famille, avec la séparation de ses parents. Sa mère, Jo Libertio, coiffeuse à la retraite, était déjà présente au plateau. Et j'ai dit à ma mère, est-ce que ça te dirait de venir cuisiner des frites pendant que moi je parle en anglais, mais je t'expliquerai ce que je vais dire. Elle m'a dit oui, c'est tout. Elle m'a dit oui. À l'époque, elle avait 72 ans, je pense, 73. Aujourd'hui, elle en a 79. Enfin, elle va sur ses 80 ans, fin de l'année. Et elle m'a dit oui. Voilà. Elle m'a dit oui pour venir faire des frites. Cédric Eckhout a eu ensuite envie de créer un spectacle sur l'histoire de sa mère, Jo, pour montrer, dans un monde d'hommes, le parcours d'émancipation d'une femme qui n'a jamais laissé personne décider à sa place. Et à l'époque, il est très inspiré par ses lectures, notamment Annie Ernaux. Je connaissais Annie Ernaux, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de la lire. À partir de ce moment-là, évidemment, vous pensez bien, j'ai tout lu. Et je lis dans l'introduction... Elle va faire cet exercice d'écrire sur sa mère et qu'elle va, d'une certaine manière, essayer de rester en deçà de la littérature. Moi, je lis cette phrase, mais j'ai les larmes. Enfin, je dis, mais oui, c'est tellement beau ce qu'elle dit, c'est tellement juste, c'est tellement dur d'écrire sur quelqu'un qui fait partie de votre vie. Parce que j'avais compris depuis le plus jeune âge, à 5 ans, j'ai été élevé par une fausse blonde en talons aiguilles qui élevait 4 garçons. Qui était devenue ouvrière à 14 ans, on dit ouvrière pour les apprenties coiffeuses. Donc elle n'avait pas lu Simone de Beauvoir, elle n'avait pas lu Judith Butler, elle n'avait certainement pas lu non plus Annie Ernaux. Maman, elle adore, je la comprends complètement, lire les biographies, mais pas de n'importe qui. Elle aime bien les fortes personnalités, genre Grace Jones, Armand Altaï. Et j'en passe, enfin des personnages, quoi. Et Nina Hagen... Et donc, je lis ça et je le donne à ma mère. Je dis, tiens, tu devrais lire, c'est beau. On commence à discuter et je lui dis, en fait, bon, elle avait aimé. Je lui dis, écoute, je pense que j'aimerais faire un spectacle sur toi qui s'appellerait Héritage. Et c'est vrai que Édouard Louis avait dit, je crois dans une interview, qu'il mettrait jamais sa mère sur scène. Loin de là de me comparer à Édouard Louis ou évidemment pas à Annie Ernaux, mais je veux dire, ce sont des gens qui aident. Pour moi, ce sont des porte-drapeaux. Annie Ernaux, c'est quelqu'un qui ouvre la voix pour faire entendre d'autres voix. Et je me disais, mais tiens, ce serait peut-être pas mal en fait de mettre ma mère sur scène et peut-être d'essayer de voir comment est-ce que son discours peut être entendu comme féministe. Comment est-ce qu'une femme qui a toujours souhaité se marier, avoir des enfants, une maison, une voiture, partir en vacances, des beaux vêtements, mettre ses enfants dans les meilleures écoles, est quand même une féministe. Et je lui ai dit, pour bien le faire, est-ce que tu accepterais qu'on vienne chez toi ? Parce qu'il y avait cette phrase dans le livre d'Annie Ernaux qui disait « En deçà de la littérature, je vais essayer de rester en deçà du théâtre ». Et donc voilà, et le fait d'aller chez elle, dormir chez elle, passer 3 semaines avec elle, c'était une manière d'écrire le spectacle avec elle. À l'époque, quand on avait nos amis, on ne parlait jamais, jamais de notre vie privée. Et je suis partie sans les prévenir, comme ça. Alors ils m'ont tous tourné le dos. Il faut dire qu'en 1982, le divorce n'était pas très courant. Je fais ce qu'elle veut, je fais ce qu'elle veut. Sur scène, Cédric Eckhout est accompagné de sa mère, Jo, et 2 autres complices, Pauline Sikirji et Eulalie Roux. Il a fallu, en amont, trouver une façon de travailler. Cédric Eckhout avait envoyé à sa mère des livres, il est parti la filmer, et surtout, il a posé beaucoup de questions. Ça ne va pas, ma Jo. Ah oui, elle a reçu 168 questions, si je me souviens bien, en amont. Et j'ai commencé à construire des questions qui allaient par 10 ans. Donc on allait de 45 à 55, de 55 à 65, de 65 à 75, etc. Et par 10 ans, on lui demandait des choses aussi simples que quelle était ta chanson préférée, pourquoi, ton film préféré, pourquoi, ton livre préféré, ton homme politique ou ta femme politique. Qu'est-ce que c'était pour toi la famille ? Qu'est-ce que c'était pour toi être une femme ? Qu'est-ce que c'était pour toi les enfants ? Qu'est-ce que c'était ? Voilà. Et elle recevait ça, elle nous répondait à sa manière. Donc, c'est-à-dire des fois par message WhatsApp, des fois par écrit, des fois par... On a plein et j'acceptais tout ça. Je trouvais ça intéressant de faire avec ça. Parce que aussi dans le spectacle, il y a beaucoup de ça. Il y a des messages vocaux, il y a des images vidéo, il y a des photos, il y a des... Je voulais jouer avec tout ça parce que ça parle aussi de notre évolution, de comment on a évolué dans les modes de mémoire, en fait, aujourd'hui. Et par exemple, je lui ai aussi dit des choses très drôles. Je dis, elle parle pas anglais. Bon, la mère dit tout le temps qu'elle est sur Duolingo, elle essaie de parler anglais, mais elle parle pas anglais. Enfin, désolé, maman, quand t'entendras ça, tu parles pas anglais. Mais bon, elle se débrouille quand même pas mal de mieux en mieux et je l'encourage. Mais par exemple, elle écoutait tout le temps, début des années 90, Four Non Blondes et What's Up, qui est une chanson pour l'époque, mais hyper féministe. Enfin, c'est impressionnant, les paroles sont incroyables. Et moi, je me souviens qu'elle mettait ça à fond à la maison. Et donc voilà, donc je pense que dans son inconscient, en tout cas, elle se laissait pas faire, elle se laissait la liberté d'être libre. Take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Et elle y a pris goût au jeu et au plateau? Oui. Après, la notion du jeu, elle est floue dans un exercice parce que ma mère, je lui demande pas de jouer un personnage et moi, je joue pas non plus un personnage. Est-ce que pour ce spectacle ensemble, tous les deux, vous avez, avant d'entrer en scène, des rituels particuliers ? Alors bon, je pense que maman, Pauline et tout, elles arrivent un peu avant. On fait souvent une ou deux petites musiques au piano, une petite chanson. Je la fais un peu bouger dans tous les sens. Et puis après, tout le monde va dans les loges, on se prépare et tout. Et on fait plein de blagues, c'est insupportable. Je fais vraiment beaucoup de blagues. Je fais très fort le con. Jusqu'au dernier moment ? Ah mais grave ! Puis les gens y rentrent, on est déjà là. C'est pas grave. Et quand les gens arrivent, moi, si je connais quelqu'un, je lui dis bonjour. Maman, je lui demande juste de faire attention aux éclairages par terre. Mais sinon, je dis, oui, tu vas dire bonjour. Enfin, il n'y a pas de problème. On va pas sacraliser le plateau de théâtre. Je déteste déjà la distance qu'il y a et on est obligé de mettre 1 mètre avant les sièges. C'est 1 mètre, c'est le mètre de trop. Il faudrait pas. Et puis je dis souvent, je vous aime ou des choses comme ça, juste avant que les gens rentrent. Je sais pas. Parce que ma mère aussi dit toujours ça. Donc voilà, hein, c'est un héritage. Et si on imagine que le public ferme les yeux 30 secondes avant que ça commence, qu'est-ce que vous leur glisseriez à l'oreille? Ma mère, elle dit souvent un truc qui nous a beaucoup fait rire sur le premier spectacle. Ça devait être en 2017. Et Douglas, qui était mon partenaire de jeu, demande à ma mère: mais Joe, t'as pas peur? Et elle dit: bah non, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Je veux dire, moi j'aime bien les gens, pourquoi ils m'aimeraient pas? Mais voilà, je trouvais ça très beau qu'elle dise ça. Et souvent, je me le dis. Et je dis souvent aussi, on va pas mourir. Voilà, ça aussi, je dis souvent. Et aussi, je fais semblant de tomber dans les pommes. Ça, j'adore faire ce jeu-là. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, ça me fait rire. Comme si j'évacuais mon stress, je dis: oh mon Dieu, ah, j'ai tombé dans les pommes. Ça stresse pas les autres? Non, mais je fais semblant, ils savent très bien. Maintenant, ils me connaissent tellement, de toute façon. Et puis, je fais exprès de le jouer très mal. J'en fais trop exprès. Et je chante aussi. Il y a deux chansons que j'ai toujours chantées beaucoup. C'est All By Myself. Don't Wanna Be All By Myself. Donc, c'est vraiment ridicule. Pas la plus simple? Non. Justement parce qu'elle est très difficile, mais je la chante pas en entier, je chante juste ça parce que les paroles c'est chouette, je veux pas être tout seul quoi. Oh, by myself, don't wanna be all by myself. Et alors, elle a des vocalises là, anymore. Mais voilà, mais bon, ça, j'arriverai jamais, mais j'adore les karaokés aussi, je trouve ça très très drôle. Don't wanna be all by myself anymore. You have no messages. La pièce Héritage de Cédric Eckhout avec sa mère Jolie Berthiaud se joue du 12 au 14 mars au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Anaïs Isebaer, Anouk Minaudier, Jules Barbier. À la technique ce soir, Sébastien Royer, Grégory Wallon et Marie-Claire Ouma Badi. Comme un samedi, réalisé par Alexandre Fougeron. Vous êtes bien sur France Culture. Quel est l'impact du numérique sur notre cerveau? Grâce à des expériences sonores à mener en temps réel, vous allez explorer la façon dont fonctionne votre cerveau face aux écrans. Séverine Herrel, chercheuse en psychologie cognitive. Quelques études scientifiques montrent que quand les élèves multitâchent avec différents médias, ça peut vraiment nuire à leur performance académique. Votre cerveau, saison 9, l'impact des écrans. Réalisation Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Le magazine d'art L'Œil fête ses 70 ans. Pour ce numéro anniversaire, deux artistes ont imaginé deux couvertures originales inspirées d'œuvres connues. Retrouvez cette rétrospective ainsi que des dossiers sur l'art déco ou encore la photo à l'heure de l'IA. L'histoire de l'art ne cesse jamais de s'écrire avec le magazine L'Œil, actuellement en kiosque en partenariat avec France Culture. Ça fait deux semaines que j'étais un petit peu en retard. Il est 19h59 et 45 secondes et c'est le moment où je passe l'antenne à mon excellentissime camarade François Angelier pour Mauvais Genre. Il est là, bonsoir cher ami, effectivement bonsoir. Ce soir. Nous allons faire honneur au dandy de l'édition, au patron des éditions Séguier qui vient avec Bertrand Burgala. Bonne idée. Bonne soirée mon cher Merci François. Merci à vous et à samedi prochain Arnaud. Et vous écoutez France Culture. Ladies and gentlemen, je peux vous l'avouer, à 12 ans, j'ai enculé un canard. Errol Flynn, et pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Jean, qui on l'aura compris, renouera ce soir avec ses fondamentaux en fêtant à son de synthé les 10, oh, 12, oh, 13 ans, on ne sait plus, des éditions Séguier en recevant son bon ange et directeur littéraire, animateur Jean Le Gall. Séguier, ultime exemple du dandysme éditorial et du mauvais genre esthétique où se croisent Helmut Berger ou Antonin Artaud, Jacques de Bachère ou Robert Penn-Warren, Arnaud Brecker, Yves Adrien ou Patrick Eudeline, véritable cabinet de curiosité que nous fera également visiter un de ses amateurs les plus résolus, le compositeur, arrangeur et producteur Bertrand Burgala. Chronique en second temps d'émission, signée Esther Teilhard et Chaude Rose. Rassurez-vous, aucun canard ne sera malmené pendant l'émission, rien que l'animateur, mais il aime ça, et le conformisme adipeux et l'ennui somnolent, mais eux, ils sont là pour ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Il y a longtemps que Mauvais Genre, que ce soit Laurent Polleret qui en est fan, que ce soit votre humble serviteur, ou nombre des chroniqueurs de cette émission, souhaitent rendre hommage à une maison d'édition qui rassemble dans son catalogue à peu près tout ce qu'on aime en matière de cinéma, de musique, de mémoire, de littérature, de style, à la fois le camp, le dandysme, l'insolence, la violence, l'aventure, j'en passe, et des plus velus. C'est Séguier, les éditions Séguier. Les éditions Séguier se résument, pour ne pas dire qu'elles se résument à un homme, mais enfin en tout cas, elles tiennent énormément à un homme, qui est Jean Le Gall. Bonsoir. Bonsoir. Jean Le Gall, Séguier, c'est votre affaire depuis combien de temps ? Depuis 2013. 2013, donc c'est le 12e anniversaire. J'ai enfin la réponse à ma question. Exact. J'ai envie de vous demander ce que vous faisiez à 12 ans. Ce que je faisais à 12 ans, je passais du temps dans les magazines. Je lisais beaucoup de magazines. Voilà, peu de romans. Mais quel genre de magazine, ce magazine qui a... Alors, ça va vous surprendre, cher François, mais je lisais beaucoup de magazines qui, à l'époque, concernaient le jeu vidéo. Le jeu vidéo, à l'époque, c'est un... repose sur un, comment dire, une technologie très faible, mais également sur requiert, évidemment, c'est la contrepartie de ces graphismes très moches de l'époque, sur l'imaginaire de ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et donc, j'employais un imaginaire particulier, je le mobilisais pour jouer aux jeux vidéo. Et ces jeux vidéo de l'époque référaient souvent à la littérature et au cinéma. Et par exemple, parmi les grandes revues de l'époque, il y en avait une qui citait tous les mois Lovecraft. Vous oui. voyez le Panthéon noir de Lovecraft. Le Cthulhu. Exactement. Eh bien, au début des années 90, ça renvoie très vite, par exemple, un certain Michel Houellebecq. Et donc, voilà, on tire un peu le fil et c'est un peu ce que je disais, en tout cas à l'époque. Très bien, bon, on va savoir encore un peu plus sur vous, Jean Le Gall, tout au long de cette émission, au travers de Séguier et de son catalogue, dont un des lecteurs les plus fieffés, c'est vous. Bonsoir, Bertrand Burgala. Bonsoir, François Angelier. Bienvenue à Mauvais Genre. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Séguier là ? Qu'est-ce qui fait que vous avez, avec cette maison d'édition, vous qui êtes un grand littéraire, vous qui avez travaillé avec Houellebecq, adapté Baudelaire, qu'est-ce qui fait que Séguier vous captive à ce point ? Ah ouais, c'est tout à fait instinctif. C'est que c'est il y a énormément de livres à leur catalogue quand je le regarde. Non seulement que j'ai envie de lire, mais que je lis et que je termine avec beaucoup de plaisir. C'est pas une ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'il y a aucune pause justement. On parle de dandysme, mais il y a aucune posture. C'est je pense que Jean édite des livres qu'il a envie de lire. Et que d'autres en se disant que d'autres personnes auront envie aussi de les lire. Et je trouve que c'est ça qui m'attire, et toujours avec des sujets que je connais pas justement nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment réjouissant, et c'est des il y a énormément de livres que j'adore, que j'offre, j'achète beaucoup de livres Séguier. Très bien, ben on va en découvrir deux, je ne dis pas lesquels bien sûr, mais que vous avez choisi tout particulièrement, présent également avec moi ce soir, Esther Teilhard, bonsoir. Bonsoir François. Alors ce soir, la chronique sera La chronique sera à... Descente à Bahia de Mathieu Peck, un roman rempli d'ivresse et de moiteur à Salvador de Bahia. Très bien, ben rendez-vous à Bahia. En fin d'émission, à votre droite, il y a Chaude Rose qui est aussi... un amateur de Séguier. Mais alors, Séguier, on va s'en rendre compte, le compas est très, très largement ouvert, puisque j'évoquais Helmut Berger, etc., et puis Rolfine et tout ça, mais ça va jusqu'au XVIIe siècle spirituel. Vous allez nous parler de qui, vous, Chaude ? Ben de Jacques Esprit, donc, qui a écrit « La fausseté des vertus humaines ». Donc voilà, un janséniste pur jus. Voilà, vous éditez aussi les jansénistes, Jean Le Gall. Ma foi, celui-ci est très moderne. Voilà, très bien. Bon, on verra, on va voir un petit peu avec Shaun en quoi il est moderne. En attendant, eh bien, c'est l'heure de passer la parole à Laurent Polleret, à qui on a demandé, ma foi, eh bien, Séguier pour vous, c'est quoi ? Yves Navarre, est-ce que ça vous énerve quand on dit que vous êtes l'écrivain d'un seul thème, l'homosexualité ? Ah oui, ça, oui. Le mot d'homosexualité ne m'énerve pas, il me gêne parce que ce sont les autres qui le rendent gênant. Je suis un écrivain d'une sensualité, d'une sensualité qui m'est propre, qui est dans ma nature, et puis je suis avant tout et tout simplement un écrivain qui se... On a voulu m'étiqueter écrivain homosexuel, disons que je suis écrivain, et par ailleurs, dans la vie, j'ai une sensualité qui me fait vivre une vie que d'autres trouvent différente. Voilà, préparez vos mouchoirs, 1977 sortie 78. Sortie 78, tournage 77, comme on dit en Belgique. Je dis ça parce que vous reprenez cette expression dans La vedette du quartier, le livre qui sort chez Segers. Il y avait eu la pièce, je vous avais invité... Segers, c'est la poésie. Parce qu'écrire, ça c'est votre truc maintenant. Hein. Ouais, j'aime bien, ouais. Enfin, j'aime même bien. Que c'est ça qui vous a sauvé. Je pense, oui. J'ai eu deux sauvetages dans ma vie. Enfin non, on a tous plein de trucs qui nous ont sauvés. C'est des grands mots, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté la défense... D'abord, j'ai arrêté de me défoncer. Et puis très vite, ma vie d'avant ne me suffisait plus. Il y avait un truc et j'étais assez insatisfait. Bon, j'étais content, hein, j'avais des potes, j'avais une nouvelle vie. Mais petit à petit, j'ai commencé à... Il y a un truc qui manquait. Voilà. Et quand j'ai réussi à me mettre à écrire, là, c'est... Un univers s'est ouvert devant moi. Quand tu dis que dans un article que Taxi Girl c'était de la pop acidulée, tu dis quoi ? Je suis revenu un petit peu sur mes positions. C'est vrai qu'à un moment, je voulais aller plus loin, quoi. Et puis on était forcément fait des compromis parce qu'on était 5, plus le manager 6. Mais non, en fait, je pense que c'était pas si acide. Enfin, c'était bien acide. Ouais, c'était de la pop acide. Voilà, choisi, harmonisé par Laurent Polleret, Yves Navarre, Riton Liebman et Daniel Darc, Jean Le Gall. Ça fait trois moments de votre catalogue. Oui. oui, bah, là encore, c'est difficile de trouver un point commun systématique à tous les sujets d'un catalogue. Je rappelle qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui se distingue autant par ce qu'il ne publie pas que par ce qu'il publie. Et donc, qu'est-ce que l'on retient ? Pour quelles raisons ? Voilà, on peut en parler, mais à l'évidence, les trois que nous venons d'entendre cochent beaucoup de cases, des personnages très intéressants qui rejoignent régulièrement le catalogue Séguier, des gens qui ont une conception assez aiguë de la liberté. On peut pas dire qu'ils se soient comportés comme de bons gestionnaires ou des bourgeois. Ils ont même pour certains tout raté activement, et néanmoins, ils ont laissé derrière eux quelque chose qui ressemble à une œuvre mésestimée, méconnue, mévendue parfois. Et le rôle que peut se trouver, en l'occurrence moi, un éditeur, c'est d'essayer de les sortir de là où ils sont, de l'oubli, du mépris. Donc les gens qui ont mis leur génie dans leur vie, vous êtes là pour leur offrir la chance d'un livre et d'un propos un peu durable ? J'aimerais que, en tout cas, oui, ça soit une mission réussie, au moins en cours, sachant que Il faut être clair, les grands génies, les génies incontestables de leurs arts, ils vivent déjà parmi nous et tant mieux. Il n'y a pas eu, je crois, de malentendu suffisamment fort pour éteindre totalement la voix des œuvres quand elles sont géniales. Mais il y en a d'autres qui sont juste en dessous. Ils ont raté une marche, ils ont manqué de chance, ils sont passés par la fenêtre, au propre comme au figuré. Et voilà, et bien, Séguier, c'est un refuge, un bestiaire, c'est un endroit où ils ont la possibilité de revivre un peu. Bertrand Burgala, vous co-signez ces propos de Jean Le Gall, c'est pour ceux qui ont raté une marche hein, qui... Oui, pas forcément. C'est-à-dire, bien sûr que il y a un côté réparation parfois, c'est-à-dire de rendre justice à des personnages, à des écrits, à des œuvres. Mais parfois, Je trouve qu'on s'habitue à la qualité aussi parfois, parce que finalement, je trouve qu'il sort des écrivains que je trouve absolument extraordinaires d'aujourd'hui, parce qu'il y a de tout chez Séguier, mais il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Montal. Pour moi, c'est un romancier vraiment, vraiment de premier plan et qui a jusqu'au début, il a un peu souffert du fait d'être lui-même éditeur. Il y avait un côté Dominique de Roux un peu intimidé par l'écriture. Auteur et éditeur, Cahiers de l'Air. Il avait et Montal avait créé les éditions Rue Fromentin et c'est lui qui a fait découvrir Patrice Jean et d'autres écrivains. Mais Montal en tant que romancier, par exemple, c'est vraiment quelqu'un. Enfin, depuis les années Foch, leur Chamade, c'est des livres vraiment formidables. Et c'est pas du tout étonnant qu'ils s'entendent bien avec Jean Le Gall. Et c'est vrai que dans son équipe, maintenant, il travaille avec. J'avais fait il y a 10 ans un essai sur le diabète à l'initiative d'un éditeur freelance, Mark Einstein, qui est vraiment un homme remarquable. Et je les ai présentés et tout de suite, le courant a passé entre eux. Ils font des projets ensemble et ça ne m'a pas du tout étonné. Alors Jean Le Gall, vous êtes Séguier depuis 2013, je le répète. Avant, on va voir un peu ce que vous avez fait, puisque vous ne venez pas directement du milieu de l'édition, de l'écriture ou des beaux-arts. Vous étiez au départ juriste, avocat d'affaires, et il y avait quand même en vous le démon de l'édition, c'est ça ? Vous étiez installé à New York, et c'est une ville qui ne vous rate pas sur ces questions-là, quand on a des désirs culturels. Et comment s'est un peu passée votre évolution par rapport à votre premier métier à l'édition ? Je dirais qu'au contraire, il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'étais une sorte de... J'étais atteint par un syndrome de Bartleby, c'est-à-dire que j'étais un... Oui, certes avocat, mais enfin bon, en tout cas quelqu'un, un employé, quelqu'un qui, vous voyez, Bartleby, il est clerc. Moi, j'étais une sorte de clerc, comme ça, de notaire. Il préfère ne pas, lui. Voilà, il préfère ne pas. Et donc, de la même façon, ben, j'étais sans cause, sans raison. Et puis, j'étais atteint, oui, d'une sorte de syndrome de réticence. Voilà, donc... Le syndrome de réticence, c'est-à-dire que vous osiez pas, vous étiez... Je préfère ne pas. Voilà. Voilà, la réticence. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure à propos d'un éditeur. Eh bien, je préfère ne pas éditer celui-ci, celle-là, tel ou tel thème, etc. Et donc, faire des choix forts. Et voilà, cette vie-là s'est terminée en 2011 pour en commencer une nouvelle. Le temps de mûrir un peu mon projet... Et puis voilà, et Séguier était à ce moment-là un peu la maison idéale pour moi, une sorte de belle endormie qui je peux remonter un peu dans son histoire si vous le voulez, mais qui avait réuni des couleurs, des thématiques qui m'intéressaient énormément. Alors Séguier, pour rentrer dans le détail, c'est d'abord le nom d'une rue de Paris, une rue de Paris qui doit son nom donc à Pierre Séguier, on en parlera après, qui est un chancelier qui effectivement a protégé les intérêts d'un certain Jacques Esprit, que je viens de publier, vous voyez, comme tout est sous contrôle. En même temps cohérent, c'est fou. Hein. Et puis donc, Séguier a en fait une existence plus affirmée dans les années, au début des années 70, grâce à deux hommes, auxquels bien sûr je rends hommage ce soir, Éric Hadda d'un côté et Michel Archimbaud de l'autre, qui à l'époque qui à l'époque était en quelque sorte parrainé par Marcel Julien. Marcel Julien occupait des bureaux 3 rue Séguier, et puis il a proposé à cette époque-là à ses deux trentenaires de créer une maison d'édition. Et Michel Archimbaud et Éric Hadda ont immédiatement lorgné les thèmes des arts, de la musique, des biographies. Il s'était fixé vraiment, je crois, comme objectif, ils ne sont pas là pour le confirmer, mais de faire des biographies de référence. Alors, il y avait ce texte sur Georges Bataille qui avait été... Je me souviens de tout ça. Puis effectivement, la biographie de... La grande biographie de Bataille, elle est parue chez Séguier. Il y avait aussi l'énorme biographie d'Octave Mirbeau. Il y a eu énormément d'anthologies d'Octave Mirbeau, de Barbet d'Aurevilly. Il y a eu les scénarios d'opéra non écrits, non aboutis, faits par Philippe Godefroy, de Richard Wagner. Donc c'était une maison qui était déjà comme ça, dans cette espèce de grande ambition intellectuelle, peut-être fin 19e, début 20e quand même. Oui, qui plaçait la curiosité au-dessus des autres critères. Il n'était pas, les deux compères n'étaient pas, je crois, animés d'un souci de gestion très, très précise. Et donc, cette histoire-là, elle a duré jusqu'au milieu des années 90. Après, la maison a connu une période, on va dire, de déshérence, même si C'est dans cette période-là aussi que Jean de Palacio a fait un travail extraordinaire autour de la bibliothèque décadente, collection qu'il avait créée. On retrouvera des gens tout à fait fréquentables à faire lire dans les lycées, comme Catulle Mendès, Jean Laurin. Oui, oui, non, c'est des petits volumes mauves de textes fin de siècle parmi les plus capiteux et les plus vertigineux. Et si jamais vous en rencontrez un au détour d'un bac, d'un libraire ou d'autre chose, surtout achetez-le. Voilà, mais d'ailleurs, ça, c'était un très bon prélude à ce que vous avez fait, Jean Le Gall. Encore une fois, je l'espère, parce qu'une maison d'édition, même si elle a ses interruptions, elle a ce mot magique de ligne éditoriale, et j'ai essayé de la continuer. Alors, on va se tourner vers Bertrand Burgala. Vous avez travaillé avec Houellebecq, entre Séguier, le label Tricatel, dont vous êtes le fondateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de parallèle possible? Un esprit commun, une électricité? Je pense que quand je disais que Jean sortait des livres qu'il avait d'abord envie de lire, je pense que c'est peut-être ce que j'essaie de faire moi, c'est-à-dire de faire des disques que j'aimerais écouter, en espérant que d'autres personnes y seront sensibles. Donc, il y a la même chose. Après, on fait pas de biographie musicale. On essaie de. Quand on fait des disques, évidemment, c'est pas du tout le même procédé. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de liens avec des écrivains. On vient de sortir un disque d'Ingrid Cavan. Et ça fait 25 ans qu'on alors, fait des choses avec elle. Merci, puisque je suis fan d'Ingrid Cavan depuis à peu près 40 ans. Donc. Honneur à vous. Mais en tout cas de notre côté, ce réflexe de se dire si je sors pas ce disque, il faut que ce disque existe, il faut que cette musique existe, et si je ne la sors pas, elle n'existera pas. Et si quelqu'un vient me voir et me dit il y a telle maison de disque qui est déjà intéressée, je vais lui dire allez-y. Mais voilà, nous on est là pour faire ce que les autres ne font pas. Alors vous êtes effectivement, vous avez adapté les textes de Baudelaire, vous avez fait un disque Baudelaire, avec... Baudelaire, je me souviens si, pas. Si, j'ai entendu ça parce qu'on peut... Esdragon l'ont fait, oui. Voilà, on peut, voilà, absolument, parce qu'on peut vous découvrir de manière précise et détaillée sur la voix nue que vous a consacré France Culture. Mathieu Conquet était aux manettes. Vous avez été proche donc d'Yves Adrien, Jacques-Alain Léger, donc il y a toujours effectivement un romantisme éperdu et un peu vertigineux dans les personnages. Oui, je suis souvent mieux accueilli par les libraires, par les disquaires, parce qu'on a travaillé avec Jonathan Coe, Virginie Despentes a fait des paroles pour nous, et je trouve que c'est la joie aussi de faire de la musique, c'est que quand on fait de la musique, on travaille avec des personnes liées à l'image, parfois avec le cinéma, avec la littérature, avec la peinture aussi, et moi j'aime ces rencontres-là, bien sûr. Alors, vous avez choisi deux livres dans le catalogue Séguier, le premier que je vais entendre, c'est Alone de Mickey Baker. On en écoute un extrait et puis après vous nous expliquez les raisons de votre dilection, Bertrand Burgala. Précision, Bertrand Burgala, sur ce qu'on est en train d'écouter, sur Mickey Baker. Mickey Baker, là, ça rejoint... en fait, quand j'ai monté le label, je ne voulais pas du tout faire de réédition, mais les seules fois où je voulais rendre hommage à des grands anciens, c'était, si possible, de leur vivant. Donc, on l'a fait pour André Pop, pour David Whittaker. Et très vite, donc le label a 30 ans maintenant, mais très vite, je me disais, il faut faire quelque chose... Sur Mickey Baker, qui est un des pionniers du rock, qui a fait et composé des standards pour Bo Diddley, qui avait fait des tubes dans les années 50 aux États-Unis, qui était arrivé en France dans les bagages d'Ike Turner, et qui était resté en France, où il a arrangé tout le monde en France, et vivait à côté de à Montastruc, la conseillère, à côté de Toulouse. Et j'ai fait le siège de toutes les boîtes de production parce que ça me rendait fou. Il y a 20 ans, il y avait encore tous ces pionniers qui étaient en vie. Et quand, je ne sais pas, quand Chuck Berry, Little Richard et Jerry Lee Lewis venaient jouer en France, personne n'allait les filmer. Alors que c'est comme si John Ford était venu sur les Champs-Élysées. Et Mickey Baker n'intéressait personne. Et vers 2008-2009, j'ai fini par trouver des... même un peu plus tard, 2012 plus exactement, j'ai trouvé une jeune boîte de production qui était prête à faire ça avec moi. Je me dis, on va y aller, on va aller le filmer. Sauf que Mickey était déjà très, très fatigué et ça me semblait indigne de le filmer alors qu'il était vraiment mourant. Mais il m'avait remis le manuscrit de ses mémoires qu'il avait commencé. Il voulait encore achever les dernières années, raconter la suite. C'était en anglais. Et j'ai fait vraiment le tour de toutes les maisons d'édition. Mickey est mort peu de temps après. Personne n'en voulait. Et ça me semblait un livre vraiment extraordinaire et un témoignage capital. Et je m'en suis plaint. Finalement, j'ai une chronique de tous les mois dans Rock et Folk. Et des années après, je m'en suis plaint. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean, alors que Jean n'est pas spécialement porté sur la musique. Mais tout ce qui sort sur la musique est dément, parce que le livre sur Nico est formidable, celui sur Taxi Girl aussi. Et donc, c'est Jean qui l'a sorti. Et il a fait un travail vraiment remarquable. J'avais demandé à Andrew Lou Goldham, qui était le premier manager des Stones, de faire une préface où il expliquait toute l'importance qu'avait eu Mickey Baker pour tout le rock anglais. La première fois que Paul McCartney reprend un morceau après les Beatles, c'est un morceau de Mickey Baker. Pete Townsend a appris la guitare sur la méthode de Mickey Baker. Et moi, ma première méthode d'arrangeur, c'était méthode de Mickey Baker. Donc remerciement. Voilà. J'ai une énorme gratitude pour Jean qu'il ait pu faire ça et qu'il a trouvé un traducteur génial, en plus qui habitait à côté. Qui habite à Toulouse, qui est prof là-bas à Toulouse. Mais c'est un texte formidable parce que c'est un texte qui d'abord passe en revue. Yves Gabet, oui. Voilà, citons-le. Qui passe en revue l'histoire américaine des années de Mickey Baker, donc, et qui fait le commentaire très précis de la ségrégation raciale qu'il subit. Mais il n'en parle pas comme un artiste tentant d'apitoyer le lecteur. Ce n'est pas sa démarche. Quand enfin il part en France et qu'il tente une carrière ici, c'est pareil, la modestie avec laquelle la chose est décrite est incroyable, sachant qu'au milieu de tout cela, il a des déceptions amoureuses qui le poussent à des tentatives de suicide successives. Et cette façon de se mettre complètement à nu et d'avouer sa solitude, d'où le titre « Alone », franchement, je crois que c'est assez inédit dans l'exercice de l'autoportrait. Un extrait de Alone, donc les mémoires de Mickey Baker. Screaming Jay Hawkins, c'était un sacré personnage. Il donnait les concerts les plus originaux que j'ai jamais vus. Les Coasters avaient mis au point un show vraiment bon, mais comparé à Screaming Jay Hawkins, ce n'était rien. Il incarnait un Dracula noir. Il arrivait sur scène avec des petites bombes qu'il lançait sur le sol et qui explosaient aussitôt en une coulée verte. Il agitait dans ses mains des maracas en forme de crâne et il était vêtu d'un smoking noir et d'une cape noire couverte de sang. Quand il arrivait dans une ville où il allait se produire, il commençait par aller dans le centre-ville pour louer un cercueil. C'est dans ce cercueil qu'il entrait en scène. Il était hissé par un fil très fin pendant que la musique faisait « Djoum didong, djoum didong, djoum didong ». Puis, il s'élevait lentement du cercueil et lançait ses bombes sur le sol tout en remuant ses maracas crânes et se mettait à chanter « I put a spell on you, I put a spell on you ». Les filles au premier rang hurlaient « Yeah !» Il obtenait toujours la réaction qu'il recherchait et secouait le public comme s'il s'agissait d'une seule personne. Les spectateurs étaient des adolescents. Le plus âgé devait avoir 20 ans à tout casser. Et c'était plus précisément des adolescentes. Après le spectacle, il rapportait le cercueil au croque-mort, mais personne ne voulait le reprendre parce qu'il était alors rempli de ketchup dont il s'aspergeait. Ces cercueils, c'était quelque chose, mais ça valait le coup d'œil. Mais si on regarde, je dirais, la division musique du catalogue de Séguier après Mickey Baker, on a un peu une bonne vision de votre conception de l'édition et des livres que vous publiez, Jean-Luc Gall. Le dernier, c'est Patrick Heudlin, donc Perdu pour la France, qu'on a chroniqué ici même. Jean-Louis Murat est arrivé avant, mais si on regarde de manière un peu plus précise, on trouve Marc Minkowski, qui est un des grands chefs français de musique baroque, notamment qui a réveillé beaucoup d'opéras de Handel. Il y a Nico, dont on parlait avec Bertrand Burgala. Il y a Bobby Beausoleil. Alors, Bobby Beausoleil, il faut quand même dire que c'est un des membres de la Manson Family et qu'il a fait un certain nombre d'années de prison, si mes souvenirs sont bons. Oh, c'est un malentendu. Pour assassinat, mais bon, les gens sont méchants. Et puis, comme c'est son centenaire, on va le citer, il y a Maurice Ravel. Et puis il y a comment Carmen, tu as Bizet de Mario Bois. Donc on est véritablement dans le cabinet de curiosité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique historique, programmatique, esthétique, poétique. On a l'impression que c'est un chineur, une sorte de chiffonnier heureux qui revient avec le croc et le sac plein, c'est ça ? Derrière les titres que vous avez évoqués, derrière le genre musical à chaque fois concerné, évidemment, et surtout, il y a une façon totalement différente de s'approprier les sujets. Si on prend le cas de Nico, c'est un texte, Bertrand y faisait allusion tout à l'heure, c'est un texte incroyable de quelqu'un qui s'est trouvé enrôlé un peu par accident dans une des dernières tournées de Nico et qui raconte franchement des scènes de musique très mal faites, enfin catastrophiques, des concerts qui partent mal. Mais oui, parce que le texte lui-même, oublions même la donnée musicale, Bertrand peut en dire un mot évidemment, c'est d'abord un texte qui, s'il avait été une fiction, m'aurait paru extraordinaire. Bertrand Le Gall. Moi, je suis encore plus séguériste que Jean Le Gall. Parce que je trouve que le côté cabinet de curiosité, ça donnerait ça donne l'impression que c'est des choses un peu anecdotiques. Alors, c'est souvent viscéral. Et le livre sur Nico, pendant des années, je rêvais que quelqu'un le sorte en France parce que c'est un des plus grands livres sur la musique, parce que c'est pas les mémoires de quelqu'un dans sa période splendide. C'est vraiment l'envers du décor. C'est Nico dans les années 80 et c'est poignant et c'est la réalité qu'on vit quand on est, disons par exemple, en troisième division comme moi quand on tourne. On voit cette réalité-là et personne ne l'a décrit et ce livre est formidable. Et beaucoup des livres qu'on trouve chez Séguier, effectivement, ils évoquent des sujets très différents les uns des autres, mais c'est des livres vraiment souvent extrêmement viscéraux et importants en fait. Oui, vous évoquiez à l'instant, en fait, le premier des titres que l'on a édité lors de la reprise de la maison d'édition, qui est le texte de Mario Bois. Mario Bois avait été le secrétaire de Stravinsky et de Nourrieff. Et c'est quelqu'un qui m'a raconté, comme personne d'autre et de manière dialoguée, c'est ce qui donne un texte assez spectaculaire, les derniers jours de Bizet. Et Bizet meurt. Pourquoi ? Parce que Carmen est un échec. Qu'il en conçoit une amertume qui va lui être fatale. Il décide d'un bain d'hiver dans la Marne. Mauvaise idée. Le rhume est là. Bientôt, donc, la mort se signale. Et je crois que c'est quelques jours à peine avant de mourir, il reçoit la commande de Vienne qui va transformer la carrière de cet opéra et en faire le succès que l'on sait. Donc, derrière ces histoires effectivement inscrites dans un décor musical, il y a à chaque fois un genre, une forme littéraire renouvelée, sachant que ce qui m'intéresse aussi, et là c'est le livre de Minkowski, c'est comment on fait une œuvre, comment on conçoit son travail quand on est un artiste. J'adore la fabrication de cela. Et là, je m'intéresse autant à la musique populaire qu'à la musique classique. Je m'intéresse à ça et je crois savoir, je crois comprendre que c'est une curiosité que j'ai en commun avec Bertrand. Jean de Rose. Oui, ben, pour la maison Xeguier, que j'admire énormément, c'est que vous dites il n'y a pas d'esthétique, disons, construite, mais par vos... en fait, c'est la phrase de Cocteau, j'ai des dégoûts très sûrs, c'est qu'en creux, vous dessinez quelque chose et toujours ce ratage et ces secondes marches ou ces marches ratées, il y a quand même ce côté, comment dire, disons que vous essayez toujours avec style, c'est ça qui est le vraiment... je pense que ce qui lie tous ces livres, c'est le style. Et le style, le comment, c'est un style, c'est une manière. Et le fond et la forme ne sont pas du tout... ce sont des vues d'esprit, finalement. On est incarné par une forme. Et dans tous vos livres, que ce soit Un janséniste ou La leçon d'élégance, ou Jacques d'Adelsvert Fersen, La soumis de Capri, ou Taxi Girl, il y a toujours cette idée de style. Et le style, c'est pas quelque chose de superfétatoire, c'est pas des breloques, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous définit vraiment, c'est un trait. Écoutez, dans le Gall. Je suis très très heureux d'être venu, très flatté. C'est effectivement. Vous restez ? Oui, je vais rester. C'est effectivement, oui, une caractéristique à laquelle je tiens énormément. C'est-à-dire que parmi les critères aujourd'hui employés pour éditer un texte, hélas, le style n'est plus du tout évoqué. Tout à l'heure, il y avait ce mot de dandisme. Moi, je le goûte peu. Je le goûte peu parce qu'aujourd'hui, il y a un emploi à profusion du dandysme et je flaire sur l'épaule du dandy un parfum de marketing et de prêt-à-porter. Oui, mais ça, c'est l'excentrique, c'est pas le dandy. Tout à fait. Le dandysme, il est du côté de Jacques Esprit. Tout à fait. Il n'est pas du côté de... Voilà. Et donc, le dandysme que vous évoquiez, François, c'est le dandysme, j'allais dire, originel. Effectivement, celui des non-alignés. Bon, voilà. Et je voulais juste ajouter quelque chose quand vous dites... Ça me faisait penser à ce que disait Proust sur l'éloge de la mauvaise musique. C'est que la grande musique, tout le monde l'aime. Tout le monde va dire « Proust, c'est génial, Mozart, c'est génial, les Beatles, c'est génial ». Ce qui définit votre goût, vous, singulier, c'est le fait d'aimer un tube que personne n'aime ou quelque chose que personne n'aime. Et cet essai de Proust sur l'éloge de la mauvaise musique nous définit en tant ce qu'on est parce que ça n'appartient qu'à soi. Parce que ça appartient à un souvenir qui est personnel et ça nous singularise. Je sais, par un bonheur de proximité, vous venez également, de définir une sorte de critère pour Bertrand. Enfin, il me semble que j'entends parler Bertrand, là, à l'instant. Enfin, je trouve qu'on ne doit jamais avoir honte d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Et c'est vrai que moi, je le vois souvent dans la musique. C'est très intéressant, par exemple, les critiques. Quand elles disent, vous savez, trois bonnes raisons d'aimer quelque chose. parce que ça donne tout. Et ça ne veut pas du tout dire est-ce que j'ai aimé ce disque, par exemple. Mais c'est est-ce que ça fait bien ou pas de l'aimer. Et donc, ces normes sociales en la matière, elles sont terribles. Ou quand on vous dit, vous savez, péché, les goûts honteux. Enfin, il y a des rubriques comme ça dans certains magazines. Et on se dit, mais c'est terrible parce que, effectivement, il y a parfois un côté statutaire, de statut social. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, ça m'est arrivé quelquefois de travailler avec des artistes très grand public. Et c'est extrêmement joyeux parce que le grand public ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui écoutent Francis Cabrel, c'est parce que ça leur plaît. C'est pas parce que ça fait bien de mettre le disque sur la table basse, d'avoir le vinyle qui va bien, etc. Et ça, je trouve que cette spontanéité, elle est remarquable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en musique, aujourd'hui, les artistes branchés sont beaucoup plus éphémères que les artistes grand public. Ce qui est quand même assez amusant. Avant, on avait l'impression de l'artiste jetable. Mais vous regardez les artistes qui sont vraiment très populaires. Et la plupart, ils font des carrières très longues en réalité. Jean Le Gall. Et dans le catalogue Xeguier se trouve un texte qui s'appelle « Faire danser les gens » d'un certain Fred Rister. Vachement bien. Et Fred Rister, écoutez, a priori, c'était donc quelqu'un qui était à l'origine d'une musique appelée le Rodance, si je ne me trompe pas. Hein, c'est un peu le genre, en tout cas, musical concerné. C'est pas du tout mon genre de musique. Simplement, ses écrits, son histoire, la manière dans laquelle il a mis toute sa vie dedans, sans être d'ailleurs lâché, abandonné par une certaine malchance qu'il a tenue. Vraiment, on avait l'impression que Dieu le tenait en joue du début jusqu'à la fin. Fred a fait un livre incroyable où il raconte avec une probité formidable comment on fait des tubes et comment son plaisir ultime était de voir des gens danser sur cette musique. Mais alors, justement, cette question de la mémoire, elle est quand même prédominante chez Séguier, puisqu'il y a des fois les souvenirs de personnes totalement inconnues. Alors, on découvre des témoins considérables des années 20 et des années 30, de personnages qui débarquent. Alors, on parlait de Dandy, là, personnage très étonnant, avec des souvenirs, des mâles cabines entières de souvenirs et de silhouettes extraordinaires qui déferlent. Il y a des gens qui ne veulent pas raconter leur vie et qui la racontent, comme Grace Jones. Il y a Richard Burton, qui découvre un jour qu'il tient son journal de manière assez méthodique, et puis qu'il découvre un jour qu'on lui offre $1 million pour un mois du journal, et donc il se dit tout compte fait, ça peut avoir un intérêt. Et il y a cette espèce d'épopée de la mémoire aussi chez Séguier en permanence. Vous visez juste, parce qu'effectivement la mémoire c'est quelque chose de très obsessionnel. Je me suis amusé dans les quelques écrits que je commets à côté de toujours glisser une phrase: la mémoire sort des hommes et les hommes sortent de la mémoire. Donc, effectivement, j'imagine que ce que je finis par choisir en tant qu'éditeur, un éditeur c'est une instance de jugement, je juge, je choisis, je retiens, avec une bande. Hein. Bertrand parlait tout à l'heure de mes amis, notamment de Jean-Pierre Montal. Voilà, je suis en discussion permanente à propos des textes qui finissent par rejoindre le catalogue. On ne fait jamais que 15 titres par an. Bref, dans ces livres-là, effectivement, la mémoire est toujours un enjeu central. Alors la mémoire, il y a une mémoire que vous avez sollicitée, Bertrand Burgala, c'est celle de Riton Liebmann, la vedette du quartier. Oui, et ce livre, je l'ai lu il y a quelques mois, alors qu'il est sorti, je pense, au printemps dernier. Et j'ai commencé à le lire, j'ai été captivé, justement parce que voilà quelqu'un qui raconte un itinéraire. Mais c'est la façon dont il le raconte qui est extraordinaire. Et je trouve qu'il a une écriture. Je comprends pas qu'il ait pas eu tous les prix littéraires. Enfin, il y a des gens qui ont eu le Nobel pour moins que ça, je trouve. Je citerai pas de nom. Mais vraiment, je trouve extraordinaire. Et on se dit, il est comédien. Et ce livre est génial. Et drôle. Ah, en voilà un extrait. Les lumières s'éteignent complètement et le film commence. Ça y est, c'est parti. J'ai chaud dans le ventre. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il y a les scènes du début avec Devers et Depardieu quand ils sont avec Carole Laure. Elle fait des malaises parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle s'ennuie, elle va voir les médecins. C'est bien, mais c'est long. Je connais le scénario et je m'emmerde un peu. J'écoute les dialogues, je regarde les images, mais surtout, j'attends d'arriver dans le film. J'attends qu'on me voie à l'écran. Je m'attends. Et puis, vers le milieu du film, j'apparais. Enfin, c'est pas trop tôt. Je marche dans la forêt avec les autres garçons. Merde, c'est horrible. C'est pas comme je pensais. J'aime pas ma tête et mon corps non plus. Oula, les garçons du film, ils sont beaux. Ils ont des muscles, les pectoraux. Et moi, sous mon t-shirt, on dirait que j'ai des seins. J'ai envie de me cacher sous mon siège. J'ai envie de pas exister. Heureusement, il y a la scène avec les petits Suisses quand on se rencontre avec Devers et Depardieu. Et là, ça va mieux. Tout à coup, mon voisin de fauteuil s'aperçoit que c'est moi à côté de lui. Et il se met à me regarder, moi, au lieu de regarder l'écran. Et ça me gêne un peu. Dommage que ce ne soit pas Déborah, la copine de ma sœur. Ça ne m'aurait pas gêné. Plus tard, il y a les scènes dans la chambre avec Carole Laure, quand elle enlève sa chemise de nuit. Et là, j'ai vraiment peur. Est-ce que ça va se voir ? Je me concentre à mort sur mon pantalon de pyjama pour voir si on remarque la bosse au milieu. Je suis sûr que ça va se voir, qu'on ne va voir que ça. Moi, en tout cas, je la vois. Thank you. France Culture, Mauvais Genre, François Angelier. Voilà un extrait de La Vedette du quartier de Riton Liman, qui était la vedette enfantine de Préparez vos mouchoirs, avec donc Carole Laure, Devers, Depardieu, et qui se voit à l'écran, comme ça, une espèce de révélation, Bertrand Burgala. C'est un moment, c'est vrai, assez extraordinaire. Il y a plein de moments. J'en ai pris un. Oui, mais il est formidable, mais tout est vraiment... Moi, il y a une scène que je trouve incroyable, c'est qu'après ils font la promotion chez Michel Drucker, et à côté, la loge à côté, il y a Claude François, et il dit oh, Claude François, on était allé le voir avec ma bande à Forest National. Bon, c'était pas génial, c'était moins bien que les Stones qu'ils avaient vu un peu avant, mais il y avait une petite scène à côté avec un micro, et elle était pas éclairée, donc on est allé, on a coupé le micro et on l'a pris parce qu'on va faire un groupe de rock. Il dit après l'entracte, Claude François recommence et là c'était le téléphone pleure et en fait il se rend compte que la petite scène c'était à côté, c'était pour la petite fille qui allait lui donner la réplique. Et elle peut plus chanter puisqu'il y a plus de micro. Il dit on voit qu'il était quand même embêté. Et il se retrouve des années plus tard galérant chez Gérard Louvain sur le bateau de Gérard Louvain parce que il y a un personnage assez formidable dans le livre aussi, c'est Florent Pagny et qu'on voit dans toute son humanité qui est vraiment très sympathique. Et donc, sur le bateau de Gérard Louvain, un peu pour briller, il raconte cette anecdote. Et là, Louvain, il dit « Ouais, ben, je me souviens très bien de cette soirée parce que j'étais le producteur de Claude François et Claude m'a viré définitivement ce soir-là et j'ai dormi pendant 2 ans dans une voiture. » Donc, tout est comme ça. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas l'itinéraire. Il le raconte très bien. Mais vraiment, c'est... En fait, toutes les vies sont intéressantes. En fait, tu fais très peu, en revanche, j'ai vu un romancier là, qui a fait un truc sur son papa après nous avoir fait plein de... Tu fais pas trop ces trucs-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le champ de mes détestations est assez vaste et on peut y mettre ce type de texte dedans, oui. Mais en fait, voilà, avec Séguier, c'est la chance de ne pas avoir de fil à la patte. Et dans le fil à la patte, on peut y mettre les prescriptions de marché, l'air du temps... Les attentes des uns et des autres, les thèmes homologués, etc. Et donc le fait d'en être débarrassé, bah, ça donne ce petit espace de liberté. Séguier, éditeur de Curiosités. Mes amis font l'amour, mes amis dorment seuls. Mes amis disent des choses, mes amis les oublient. Tour à tour, mes amis réussissent, mes amis sont perdus, mes amis se suicident, mes amis se marient. Tour à tour. Mes amis font n'importe quoi, mais sans moi. Oui, alors je suis très content d'entendre Daniel Darc. On est content. Une référence en plus cette chanson à un film que j'adore, À bout de souffle, où il y a cette référence, il y a Maurice Ronet qui parle avec Jeanne Moreau et elle dit mes amis sont formidables et lui il réplique tout ça et voilà, donc ça avait inspiré Daniel Darc pour cette chanson. Et parlant d'amitié, je vais vous citer je vais donc parler de Jacques Esprit la fausseté des vertus humaines, donc un janséniste, on l'avait dit tout à l'heure. Alors si Blaise Pascal disait, si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Ben pour Jacques Esprit, on a l'impression qu'il n'y en a aucun. Alors, c'est un janséniste pur jus, radical. Donc, pour situer très rapidement les jansénistes, il y a une grande querelle pendant le grand siècle, le XVIIe siècle, entre les jansénistes et les jésuites. Et Jacques Esprit fait partie de ces jansénistes qui pensent que, en fait, hors de Dieu, point de salut, c'est que là, on n'a pas de libre arbitre. Et que finalement, toutes nos vertus dites humaines ne sont pas du tout bonnes, elles sont toutes achetées. Et donc voilà. Alors, pareil, il a raté une marche parce que finalement, en 1638, paraissent donc de manière posthume la fausseté des vertus humaines. et aussi les maximes de la marquise de Sablé qui le protégeait. Une précieuse devenue janséniste, parce que c'était radical chic d'être janséniste à l'époque. Et finalement, ces deux livres de Maxime n'ont pas, et de ce traité des fausses vertus n'ont pas été retenus par l'histoire, sauf La Rochefoucauld, qui lui était aussi un ami, mais c'est lui la star en fait. Mais Jacques explique, si on replonge dans Grâce à vous, donc Jean Le Gall, puisque vous rééditiez cette édition moderne qui a été déjà étudiée chez Aubier avec une préface très très intéressante et très claire et très élégante de Pascal Quignard. Donc on voit vraiment qu'il démonte tout en fait. Par exemple, la pitié, qu'est-ce que c'est ? La pitié, c'est juste de la self-pity finalement. Il cite, alors pour dire, il cite Aristote. Mais dit c'est sur soi qu'on pleure. Bah, bien sûr, c'est une douleur que nous sentons, des disgrâces, des afflictions qui arrivent aux autres dans la créance que nous avons, qu'elles pourront quelque jour nous arriver à nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est quand il s'appuie sur les... Mais sinon, il démonte aussi les anciens. C'est-à-dire que l'amitié, justement, par exemple, Sénèque, il va dire que Sénèque, il dit n'importe quoi sur l'amitié. Il dit quand on peut sacrifier, on pourrait mourir pour son ami. Il dit que, de toute façon, cette thèse est complètement oiseuse. Je le cite, Jacques Esprit, « Je supplie toutes les personnes qui ont tant soit peu connaissance du cœur humain de dire si jamais une amitié de cette nature a pris naissance et s'il est possible qu'un homme fasse le plan d'une amitié qui lui fait ardemment souhaiter de se dépouiller de son bien, de sacrifier sa vie et de se charger des malheurs d'autrui. » Donc, en fait, même l'amitié qui est quand même, même chez les plus sceptiques, les plus pessimistes, en fait, réservée encore comme une espèce de vertu humaine, il n'y a pas de pitié, pas de salut hors de Dieu, finalement. C'est un vraiment radical. C'est un janséniste radical. Jean Le Gall, il y a aussi dans le catalogue Séguier, on ne va pas tout lire, tout dire, tout ce qu'il y a, mais il faut absolument aller sur le site de la maison Séguier et vous dépouiller un par un tous les titres. À chaque fois, vous avez l'occasion comme ça de découvrir une espèce d'ouverture, un corridor, une sorte de cache tout à fait précieuse. Mais il y a le dossier médical psychiatrique d'Antonin Artaud, un gros livre de 500 pages. Et puis il y a ce livre que je vénère de Cédric Bru, Le mystère Yves Adrien. C'est un des grands fantasmes qu'on a à Mauvais Genre, c'est d'un jour pouvoir interviewer Yves Adrien. Mais bon, c'est bien d'avoir comme ça un horizon théologico-historique. Voilà. Donc Yves Adrien, qui est un mythe, une légende de la rock critique française, qui a organisé méticuleusement son occultation, sa disparition. On sait quand même un peu où il est. Paco Thielman l'a croisé un jour par hasard. Mais voilà. Et le mystère Yves Adrien renvoie, je sais pas, j'ai l'impression que ça renvoie aussi à une forme ultra contemporaine de jansénisme. Tous ces hommes qui se... Vous savez, c'est un peu le côté Alceste dans le Misanthrope, un lieu où être homme d'honneur, on est la liberté. On a l'impression qu'Yves Adrien, après les jansénistes de Port-Royal, cherche une espèce de retraite comme ça. Et il n'y a pas ça aussi chez Séguier, cette idée, mais après tout, il faut une retraite, il faut un lieu comme ça. Que ce soit une piscine à Malibu. Oui, je pense que c'est le destin de quelques artistes de mener à bien un vœu de déréliction, de se retirer, de connaître l'exil, le refuge. Maintenant, tout à l'heure, quand Sean lisait des passages de Jacques Esprit, si on réédite Jacques Esprit, c'est parce que le commerce des vertus, disons des valeurs, ne s'est jamais si bien porté. Connaissez-vous une entreprise qui n'utilise pas ses engagements, ses valeurs, etc., pour vendre son yaourt, sa lessive, etc. Mais le mot vertueux est devenu un peu... Ah oui, puis surtout, il est annoncé, jamais démontré. Et donc voilà, c'est parce que ce texte correspond, il me semblait, à une nécessité de le présenter au plus grand nombre, que j'avais envie de rééditer ce précis de démoralisation massive. Oui, voilà. C'est vraiment un feel bad, c'est pas un feel good. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et là où vous êtes, je pense que aussi un mot qui pourrait convenir à Séguier, c'est vous êtes des éditions intempestives. Vous parliez de mémoire alors qu'on est à l'âge du swipe et qu'on a oublié, on a une mémoire même pas de poisson rouge. Et ensuite, c'est sûr que le retrait, c'est le contraire du selfie. et de la du post sur Instagram. Donc en fait, on est dans les deux attitudes et le style qui est celui du retrait et aussi d'une cesse de mémoire. Mais tous les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas supporter la solitude. Quand je dis les hommes, bien sûr, c'est à travers le thème générique. Je veux dire, je suis persuadé que la solitude de quelques minutes est douloureuse pour beaucoup. Et donc, oui, voilà, on s'adresse à des gens qui, généralement, ont le livre près d'eux, le livre en général, le livre parfois pour meilleur ami, une bibliothèque. Voilà, oui, il y a d'un côté, vous savez, aujourd'hui, il y a une masse majoritaire de dirigeants qui sont devenus des philistins, et puis il y en a d'autres, en haut, en bas, et c'est pas une question de classe sociale, mais qui continuent à s'intéresser aux œuvres au sens très large. Et c'est à eux que je m'adresse, naturellement. Parlons des derniers titres publiés par Séguier, Jean Le Gall, Werner Herzog, John Galliano, Eddie Lamarr, Monica Vitti. Qu'est-ce qu'on peut... Là. Alors, ce n'est pas un livre de John Galliano. Je corrige, c'est un texte formidable de Dana Thomas qui raconte la chute de deux couturiers qui étaient John Galliano et Alexander McQueen. Et qui raconte comment, voilà, ça fait le lien avec ce que nous évoquions à l'instant, comment une industrie, la mode, a quitté peu à peu le génie du dessin, de l'artisanat, pour se tourner vers un business de très grande massification. Et cela n'a été possible que grâce à une période charnière, qui est celle des années 90, où de véritables artistes se sont consumés dans leur travail pour que la valeur des marques puisse devenir un logo extrêmement rentable. Vous devinerez qu'avec ce genre d'informations, je vous prive peut-être d'un annonceur décisif pour la radio. Mais voilà, ce livre-là est un livre formidable de courage. Voilà, il est signé donc Dana Thomas. Et puis le Werner Herzog, qui est quand même un grand moment. Les mémoires de Werner Herzog, moi j'ai eu la chance de pouvoir animer un débat avec lui autour de ce livre. C'est quand même quelque chose de rencontrer Werner Herzog, qui commence par vous dire que ses films n'ont strictement aucun intérêt, que c'est d'abord et avant tout un écrivain, et que ses mémoires comptent plus que tout. Et oui, effectivement, on peut peut-être avoir un peu de restrictions, mais c'est vrai que c'est les mémoires extraordinaires. C'est le deuxième texte que nous publions de Werner Herzog, puisqu'on avait publié également ce texte qui était une sorte de... Enfin, il avait fictionnalisé l'histoire d'Onoda, ce soldat japonais qui ne sait pas que la guerre est terminée et qui continue à mener la sienne. Un Herzog, on ne le découvre pas avec ce livre. Mais en revanche, oui, je crois qu'il a raison sur un point, c'est qu'on le découvre écrivain. Notre hamburger là, c'est vous là. Oui, c'est une musique pour une cinéaste qui est aussi écrivain, comme Werner Herzog. C'est pour le premier film d'Eva Ionesco, My Little Princess. Et je pense que c'est la scène de ce film. Chronique finale dans Mauvais Genre, ce soir avec vous Esther Teilhard, le livre de Mathieu Peck paru chez Gallimard. Chers auditeurs de Mauvais Genre, ce soir un nouveau roman, en effet tout juste paru chez Gallimard, Descente à Baïa de l'écrivain Mathieu Peck. Je n'emprunterai aucun chemin de traverse, c'est un beau roman que je vous encourage à découvrir, tenu sous la forme d'un journal, et Mauvais Genre, j'en suis convaincue, rien de plus gracieux, de plus pudique qu'une confession intime. Le narrateur de Descente à Baïa, Martin, journaliste parisien, est envoyé au Brésil pour une mission nouvelle, chroniquer le quotidien de l'artiste Paul Taburet en création à Baïa. Salvador de Baïa est une ville d'errance et de texture, aussi chaste que dévergondée. Martin est gagné par la fièvre de celle qu'on surnomme la Rome noire. Tout l'amène à se perdre. La ville, évidemment, ses promesses de couleurs, la trace insoutenable du passé, le peintre, son talent, ses gestes quotidiens, ses toiles couchées au sol, le marché et les rites, les prêtres gantés de blanc. C'est un récit ivre qui pourtant ne se débauche pas. Si parfois arrosé de vice, encore chauffé par la vertu. En lisant Peck, j'ai vu les arlequins froids des tableaux de Kirchner, la trace fiévreuse de la vocation de saint Matthieu. J'ai pensé aux confessions de saint Augustin, cette confession particulière. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve, j'ai tardé à t'aimer. Martin aime-t-il enfin ici à Baïa ? Je crois. Il aime les troubles relations qu'engagent les alcools mélangés, la prude proximité qui lie les hommes talentueux, le peintre et l'écrivain, le désordre. Oui, vraiment, un goût certain pour le désordre. J'aime Descente à Baïa pour les phrases de Martin le dimanche soir. Celle-ci, par exemple. Perdre est un mot magnifique. Perdre sur une terre aux trop charnelles corruptions, perdre sur l'ivresse qui toujours conquiert l'homme, perdre un amour, la trace d'une Solange en mémoire. Écrire sur la peinture, s'immiscer dans un atelier où la boue colorée devient soudain figure, mouvement, grandeur, peut-être est-ce aussi toujours perdre. Sa peau d'homme ordonnée, costumée et bien mise. Sombrer dans la folie, passer ivre à temps plein, devenir clairvoyant, habité. J'ai aimé Descente à Baïa pour sa couleur souveraine, sa violence évidente, la bizarrerie du lien entre Martin et le peintre, la sensation, collante, très chaude, d'être ému par un roman. Descente à Baïa de Mathieu Peck chez Gallimard, actuellement en librairie. Merci Esther. Prochain événement, Bertrand Burgala. Oh, je viens de sortir la BO d'une série de Marc Fitoussi dont j'ai fait la musique qui s'appelle Ça c'est Paris et je serai en concert à Paris le 12 avril. Très bien, puis le disque d'Ingrid Cavan. Et le disque d'Ingrid vient de sortir. Voilà, bah, bon. Voilà un invité potentiel pour Mauvais Genre, Ingrid Cavan, ce qui serait une très bonne chose. Prochain livre chez Séguier, notre invité de ce soir, Jean Le Gall. Deux textes dans un même livre consacrés à Maurice René. D'abord, les entretiens qu'il avait confiés à Hervé Le Botterf. Pendant deux ou trois jours, avec son ami journaliste, ils se sont saoulés dans la maison de René. Et ça donne un texte totalement débridé, je vous l'assure. Et puis, c'est complété d'une biographie qu'avait écrite, qui est une réédition, Jean-Pierre Montal, consacrée donc à Maurice René. Merci, et puis donc on sera attentive à vos productions futures, messieurs Onstine. On se quitte avec Paolo Sorrentino, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Élise Leu, Claire Poissignon, Esther Teilhard, Sean Rose, Claire Martin Dugard et François Angelier. Vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Stéphane Duménildo et Sixtine Audebert et nous rendrons l'hommage qu'il mérite à David Lynch en sélectionnant chacun des scènes, des extraits. Chacun composera sa mémoire de Lynch. C'est la semaine prochaine dans Mauvais Genre. Merci d'avoir suivi cette émission. Écoutez France Culture. Sindbad, un marin de Bagdad, nous raconte les sept voyages qui, tout au long de sa vie au 9e siècle, lui ont permis de s'enrichir et parcourir des terres inconnues. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures. Je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre. Sindbad le marin, un conte des mille et une nuits. Réalisation Christophe Hoquet. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Les 14 et 15 mars, l'Université de la Terre fête ses 20 ans à l'UNESCO. Un événement exceptionnel réunissant citoyens, dirigeants, entrepreneurs, scientifiques, artistes et bien d'autres. Participez à des conférences, ateliers et expositions pour apprendre, comprendre et agir. Avec 200 témoins et experts. Plus d'informations sur universitedelaterre.com. Un partenariat Radio France. France Culture, les fictions. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans les programmes de fiction. Ce soir, Modèle, une écriture collective de la compagnie La Part des Anges, d'après le spectacle mis en scène par Pauline Bureau. Elles ont grandi dans les années 80 et interrogent la construction intime de l'identité féminine. Des histoires se racontent, des histoires de filles qui deviennent des femmes. Une réalisation de Laure Egorov. Radio-drama. Modèle. D'après le spectacle de la compagnie La Part des Anges. Enregistré en public et en direct au studio 114 de la Maison de la Radio, le 10 juin 2014. Les formes de domination les plus fondamentales. Bon, qu'il s'agisse, je ne sais pas, les Blancs sur les Noirs aux États-Unis, par exemple. Oui. Ou qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes. Ouais. Bon. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elles s'exercent par des contraintes objectives. Par exemple, encore aujourd'hui, il y a des professions dans lesquelles, sans que ce soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas présentes. Oui. Bon, alors ça, c'est du côté objectif. Et moi, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de vision du monde. Par exemple, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Et il y a l'opposition maison-place publique. La place publique étant masculine, étant le lieu du discours, de la parole masculine, et la maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie. Oui, de l'intériorité. De l'intériorité, exactement. Mm. Bon. Cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité. Mais elle existe aussi dans les structures mentales. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait présent dans nos sociétés, la logique de la vocation. On dit, bah oui, c'est une fille, elle n'aime pas les mathématiques. Ou bien, bah non, c'est une fille, elle n'ira pas à Polytechnique. Bon, bah, la logique de la vocation est un phénomène très mystérieux. Les éliminer s'éliminent. C'est-à-dire que les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas « il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie ». Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, inconsciemment, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se pensent faites. Elles pensent avoir la vocation. Eh oui, et elles pensent le faire librement. Oui. Mais inconsciemment, les mécanismes d'orientation, et ça, bah, ce sont des notes qu'on leur donne, ce sont des histoires qu'on leur raconte, ce sont les modèles cinématographiques et parentaux, c'est ce genre de choses, eh bien cela les pousse d'un côté ou de l'autre. Et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures objectives que sur les structures subjectives. Voilà. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et vous auriez un exemple concret pour nos auditeurs? Bien sûr. Prenons la danse. Ben oui, dans les cours de danse, il y a une majorité de petites filles. Ouais. La danse, c'est du côté du joli, de la grâce, etc. Bon ben, les petites filles, personne ne les force. Pourtant, elles ont incorporé cette logique-là. Et elles demandent à faire de la danse. Et autrement dit, dans ce cas particulier, les filles collaborent. Mais pas consciemment, bien évidemment. Mais elles collaborent à travers leur corps. Et une fois adultes, à travers cette sorte de spécialisation qui fait qu'elles sont du côté du joli, des objets, eh bien cela fait que plus tard, elles en viennent à se considérer elles-mêmes comme des objets et non comme des sujets. Écoutez, je vous remercie infiniment, Pierre Bourdieu. Nous étions en direct sur France Culture. There's a dream that I see, don't kill it, it's free. You're just a man, you get what you can. We all do what we can. Quand j'étais petite, j'aimais Cendrillon, qui attendait son prince, Jeanne, qui attendait Serge, Lucille, qui attendait qu'on l'embrasse, Candy, qui attendait de grandir, Princesse Sarah, qui attendait son papa, et alors le pompon. J'aimais la Belle au bois dormant, qui attendait 100 ans. Ma grand-mère me disait qu'un jour, un prince viendrait me chercher sur son cheval blanc. J'attends toujours. Et ben moi, je voulais vivre l'aventure. Je grimpais dans les arbres, je me salissais, j'étais agitée, je parlais à tout le monde dans la rue. Je voulais surtout pas être une petite fille modèle. Je voulais être un modèle d'aventurière. Alors mon top, c'était Tarzan. Je faisais son cri toute la journée. Bon, je vous le fais un peu. Bon, voilà. J'adorais faire Cheetah aussi. Voilà. Mais jamais Jane, aucun intérêt. Moi, je me bourrais de pain au chocolat devant Heidi et la petite maison dans la prairie. J'avais peur d'Ixor et je voulais être la femme d'Albator. Je suis Albator. Je suis Robin des Bois. Guillaume Tell, James West, Artemus Gordon, Olive et Tom. Je ne suis pas la princesse, je la sauve. Je ne suis pas la fille. Je suis celui qui ose enfin lui prendre la main. En 1985, je rentre en CE1 et dans mon manuel scolaire « La ronde des mots », le papa va au bureau et fume la pipe et la maman fait la lessive et porte un tablier. Vers 7-8 ans, je deviens une vraie fille. Je mets des jupes, je parle très poliment, je chuchote. Je dis « Est-ce que je peux sortir de table, s'il vous plaît, madame ? Merci, je vous en prie. » Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya. Je ne veux pas être une fille. Et je ne peux pas être un garçon. En attendant, je suis rien. Moi, maintenant, j'aime bien jouer à la poupée. J'aime plus courir, sauter, jouer aux billes, transpirer. Je parle plus à tout le monde dans la rue. Je parle plus à personne, d'ailleurs. Je fais des choses qui me font peur, parce que je crois que si j'étais un garçon, ces choses-là ne me feraient pas peur. Je nage loin, je saute de haut, je roule vite à vélo, je tombe. Beaucoup. J'ai peur, mais je le cache. Je suis écorchée, mais je ne dis rien. Je veux pouvoir me dire, je suis courageuse comme un garçon. Je me lave les mains toutes les heures. J'attends que le feu passe 3 fois au vert pour traverser. Le soir, avant de m'endormir, je dis bonne nuit dans ma tête à toutes les personnes que je connais. D'année en année, la liste s'allonge, alors je m'endors de plus en plus tard. J'ai les cheveux courts, je porte du bleu, je déteste le rose. Je cache mon corps de honte, je suis seule. Mais quand on me prend vraiment pour un garçon, qu'on me dit « jeune homme », je baisse ma culotte et j'expose le rien qui fait que je n'en suis pas un. Moi, quand un garçon m'embête, je dis rien. J'appelle mon frère et il le tabasse. J'ai 7 ans et je prends l'avion pour les vacances que je vais passer avec mon père, ma belle-mère et mon frère. J'ai mis ma plus belle robe, la robe papillon, gris et rose, avec des volants aux épaules. Je me sens belle. Je vais enfin voir mon papa adoré que j'ai pas vu depuis 6 mois. Je suis heureuse et petite fille. À l'aéroport, quand mon père me voit, il ne m'embrasse pas, mais file directement à une cabine téléphonique et appelle ma mère. Il commence à l'insulter au téléphone, en lui disant que je suis grosse et monstrueuse, que c'est pas possible, et d'autres horreurs du même acabit. Je pleure. Je suis un monstre. Ma belle-mère essaie de me consoler en me disant qu'il ne faut pas que je m'en fasse. 1 mois et demi avec eux et avec un bon régime. Et je serai belle comme un cœur. Je pleure. Je suis un monstre pour mon père. Je devrais me priver de nourriture pour être digne de son affection, mais pour l'instant, je suis une petite fille monstrueuse. Le samedi, je jouais à la Barbie. Je l'ai déshabillée une à une et je les mettais en cercle. Et puis je mettais un Ken, nu lui aussi, au centre. Mes Barbies commençaient à s'embrasser, à faire l'amour, et lui, il regardait. Je lui tournais la tête à 360 degrés pour qu'il observe bien tout. J'adorais qu'il puisse tout voir. Petite fille, je me suis réécrite, petit garçon. Pendant 15 ans, j'ai couru. Je voulais être champion olympique. Maman attendait un garçon, elle a engendré une fille. Et la famille a parlé de calamité. Maman voudrait que je sois forte, que je sois courageuse, que je gagne plein d'argent, que je sois indépendante, que je sois tout ce qu'elle aurait voulu être. Moi, je me suis forcée à ne pas avoir peur. Je suis partie loin de la maison. J'ai beaucoup travaillé. Et je n'ai rêvé que d'une seule chose. Tout recommencer. J'ai 11 ans et je suis dans l'escalier du collège. Je sors du cours de maths. Heureusement, mon pull est long. J'espère que ça traverse pas mon pantalon. Je prends mon vélo et je rentre. J'ai peur que ça traverse. C'est la deuxième fois que ça arrive, mais j'en suis pas sûre. Ces traces marron, ça ressemble pas vraiment à du sang. J'entre dans la chambre de ma mère, je dis « Maman, je crois que j'ai mes règles. » Elle lève pas les yeux. Elle dit « Débrouille-toi, il y a des serviettes hygiéniques dans la salle de bain, dans le placard. » Je vais chercher une serviette hygiénique. Je me débrouille. À 11 ans, j'ai appris par téléphone la mort de ma grand-mère. Je me suis précipitée aux toilettes. J'avais mes premières règles. Elles sont arrivées au lac d'Annecy, en été. Je me sentais plus encombrée que gênée. En fait, aujourd'hui, rien n'a changé. Tous les mois, quand elles arrivent, elles m'encombrent. M'énervent, me rendent grosse, susceptible et dépressive. Moi, j'étais trop contente de les avoir parce que j'étais la seule qui les avait pas encore. Pendant les premières années de ma vie d'adulte, mes expériences sexuelles sont indissociables du besoin de prendre l'air. Il en fournit même l'origine. C'est lors de ma première fugue que je perdis ma virginité. Je m'étais une fois de plus disputée avec mes parents. Et Claude, que je ne connaissais pas encore à l'époque, était venu sonner à la porte de mon appartement pour me prévenir qu'un ami avec qui j'avais rendez-vous était retenu. Bref, on s'en fout. Il m'a proposé de sortir avec lui. En fait, sa quatrelle a roulé jusqu'à Dieppe. Nous avons planté la tente sur le bord de la plage. J'ai toujours su à quoi ressemblait un sexe d'homme. J'ai un frère. En revanche, je n'ai longtemps pas su à quoi ressemblait un sexe de femme. J'avais jamais regardé mon sexe, ni celui de quelqu'un d'autre. À 13 ans, pour la première fois, j'ai vu. J'étais en cours de biologie et la prof a annoncé qu'elle allait passer un film sur l'accouchement. Gros plan sur l'entrecuisse d'une femme couchée. Son sexe est apparu, déjà ouvert, une chose pointant, grossissant, le haut du crâne d'un nourrisson recouvert de glaire jaunâtre et sanglante. J'ai su que j'avais ça entre les jambes. En fait, j'ai fait Paris-Dieppe en 4L et dormi face à la mer pour apprendre que je possédais quelque part, dans une région que je ne pouvais pas voir et que je n'avais pas encore imaginée, une ouverture, une cavité si souple et si profonde que le prolongement de chair qui faisait qu'un garçon était un garçon et que je n'en étais pas un, pouvait y trouver place. Un ou deux ans plus tard, je me suis décidée. Bon, j'ai pris un miroir et dans une position assez acrobatique et inconfortable, j'ai regardé. Mon sexe m'a semblé laid. J'ai mis longtemps à apprendre à aimer son aspect. On était à 17 ans, avec une copine. On a arrêté deux inconnus à un feu, en voiture. Et on a mangé des pizzas. Et puis on allait sur la plage. Elle et un des deux gars sont partis à droite. Moi et l'autre sommes partis à gauche. Il était plus âgé, très poilu. Et il avait un très gros sexe. Je me rappelle avoir été obsédée par l'idée de mettre une capote. Je savais pas exactement à quel moment il fallait l'utiliser. Oui. Non, j'ai jamais trop réfléchi sur ma sexualité. Bon, j'étais toutefois consciente d'avoir eu des rapports multiples de façon précoce. J'ai cessé d'être vierge à l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas spécialement tôt, mais j'ai partousé pour la première fois dans les semaines qui ont suivi ma défloration. Je me rappelle surtout m'être répété en boucle que le sable n'est pas du tout l'endroit rêvé et pratique pour faire l'amour et que les films racontaient vraiment n'importe quoi. Bon, en même temps, peu importe, Je faisais pas l'amour. J'avais un rapport sexuel. Pour moi, le dépucelage, c'était une épreuve d'anatomie dont on disait après, ça, c'est fait. L'acte sexuel, c'était un devoir à rendre, une épreuve technique, terrifiante. Ça allait rester longtemps. Moi, pendant longtemps, j'ai baisé naïvement. Enfin, je veux dire par là que coucher avec des hommes était une activité naturelle, mais je ne me préoccupais pas de la qualité de ces relations sexuelles. Que j'y trouve ou non, la satisfaction immédiate des sens était secondaire. Je crois que j'exagère pas si je dis que jusqu'à l'âge de 30 ans environ, j'ai pas envisagé que mon propre plaisir puisse être la finalité d'un acte sexuel. J'avais pas compris. J'ai pas saigné, j'ai pensé que ça avait pas marché et qu'il faudra recommencer. Moi, je me suis jamais masturbée. Et lorsqu'on m'en parle ou qu'on me recommande de le faire, j'en ressens une gêne. Le fait que cela devienne obligatoire me fait encore plus fuir. Alors, tu vois, c'est marrant parce que pour moi, autant l'acte sexuel, ça restait longtemps compliqué, autant la masturbation, ça m'a jamais posé aucun problème. Non, mais je sais qu'il faudrait aller à la rencontre de son plaisir personnel, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'y pense même pas. Alors, je sais bien que ce que font les filles toutes seules avec leur clitoris ne me regarde pas, mais cette indifférence à la masturbation me trouble quand même, un peu. À quel moment les femmes se connectent-elles avec leurs propres fantasmes si elles se touchent pas quand elles sont seules? Qu'est-ce qu'elles connaissent de ce qui les excite vraiment? Et si on sait pas ça de soi, qu'est-ce qu'on connaît de soi, au juste? Quel contact établit-on avec soi-même quand son propre sexe est systématiquement annexé par un autre? Nous voulons être des femmes convenables. Si le fantasme apparaît comme trouble, impur ou méprisable, nous le refoulons. Nous sommes formatés pour éviter le contact avec nos propres sauvageries. D'abord, convenir. D'abord, penser à la satisfaction de l'autre. Tant pis pour tout ce qu'il faut faire taire de nous. Ça fait pas mal de temps que je ne crie plus en faisant l'amour. Depuis que j'avais réveillé le bébé des voisins. Bon, l'ami chez qui je me trouvais m'avait appelé quelques jours plus tard pour m'annoncer. Je me suis renseignée auprès d'un copain médecin. Crier comme ça, c'est un signe d'hystérie. L'habitude de crier m'a passé. Maintenant, je relâche la tension dans des sanglots francs, bruyants. Je me suis rendu compte récemment que quand l'homme dont je suis amoureuse vient chez moi, ça me met dans un état de stress ménager intense. Autant d'habitude, je m'en fous complètement de l'état de mon appartement, autant là, tac, il faut que tout soit impeccable. Mon mec est Superman quand il achète un litre de lait à 17h15 pour le lendemain matin. Quand je le bois, il me regarde en se disant que les hommes ont évolué en moins d'un siècle. Ben moi, je suis fière de lui parce que je l'ai bien élevé. Alors moi, je ne peux pas m'en empêcher, ça me met dans un état de stress ignoble. Ça me rappelle quelqu'un. Je crois que c'est ma mère. Je veux être une femme parfaite dans un appartement parfait. Cette semaine-là, j'avais été malade. Depuis quelques jours, je mangeais rien, écœurée toute la journée. Et cette gastro ne passait pas. Alors je me suis décidée, un matin de novembre, dans ma salle de bain, j'ai posé le test de grossesse bien à plat. J'ai attendu les 2 minutes réglementaires. Le test était positif. L'après-midi, j'ai appelé ma gynéco. J'ai demandé un rendez-vous en urgence. J'ai dit pourquoi, que j'étais enceinte et que je ne voulais pas d'enfant. Pas maintenant. Elle m'a dit de venir le lendemain. J'avais 19 ans. Je vivais seule à Paris. Et j'ai rencontré un garçon assez rapidement. Très vite, il s'est installé chez moi. Très vite, il a mangé ce que je faisais à manger. Très vite, il a comblé ma solitude. Le soir, mon copain est arrivé chez moi. J'ai dit, je dois te dire quelque chose, je suis enceinte. Il m'a répondu, nous n'allons pas le garder. Ma gynécologue m'a adressée à une clinique pour avorter. La médecin qui m'a reçue était blonde, la cinquantaine, Gruau, elle s'appelait. Elle m'a dit « Vous ne voulez pas le garder ?» J'ai répondu « Non ». Donc elle m'a dit de revenir en fin de semaine suivante pour une hospitalisation de jour. On entre à 9h et on ressort à 17h après une petite anesthésie générale. C'est comme ça. Au revoir, à la semaine prochaine. J'ai donc été enceinte pendant 10 jours. Je m'en souviens pas. J'en ai parlé à personne. Je me souviens seulement qu'une fois, en faisant l'amour, j'ai pleuré, comme ça, sans raison. Donc le jour J, je suis arrivée à la clinique, on m'a fait mettre une blouse d'hôpital ouverte derrière, là. Puis on m'a emmenée dans la salle d'opération. Il y avait plusieurs personnes avec des masques. Et quelqu'un a dit « Comptez jusqu'à 5 ». Et on m'a endormie. Quand je me suis réveillée, je pleurais, j'avais froid. Une infirmière disait à une autre « Il y a des jours comme ça, c'est triste ». Et j'ai entrouvert les yeux et l'infirmière s'est penchée sur mon brancard et a dit très fort « Ça va ?» Je me suis endormie. Plus tard, je me suis réveillée. J'ai attendu et à 17h, comme prévu, je suis sortie. Et voilà. On faisait l'amour et j'avais mal. J'avais des infections. J'osais pas en parler au garçon et quand je lui ai dit que j'avais mal, il m'a dit que j'avais un problème, que j'étais trop tendue. J'ai eu honte. J'en ai plus jamais reparlé. Après cet avortement, pendant 10 jours, je me suis sentie épuisée. Et puis 2 semaines plus tard, un dimanche matin, à 6h, je me suis réveillée ensanglantée. Il y avait beaucoup de sang, donc j'ai essayé de nettoyer. Et puis j'ai réveillé mon copain, j'ai appelé le SAMU. Je leur ai expliqué que j'avais avorté 2 semaines plus tôt et que je saignais beaucoup. Donc ils ont envoyé une ambulance qui m'a emmenée aux urgences de l'hôpital le plus proche. J'ai attendu avec mon copain dans un couloir vide, il faisait très froid. Et puis un jeune médecin au sommeil est venu, il m'a fait une échographie interne. Il m'a dit que l'avortement avait été mal fait, qu'il en restait, que c'était ça, le sang. Et puis une externe plus jeune est arrivée, le médecin m'a demandé « Ça vous embête si elle refait l'examen, il faut qu'elle s'entraîne ?» J'ai répondu que je préférais pas. Donc il m'a donné des médicaments et il m'a renvoyée chez moi. Je suis rentrée à la maison avec mon copain et je lui ai demandé de partir. Je voulais pas qu'il reste dans ce sang. Et plusieurs fois, j'ai essayé d'appeler la clinique où j'avais avorté. On m'a répondu que les médecins n'étaient pas joignables au week-end. J'ai appelé une amie. J'ai pris le médicament. J'ai eu très mal au ventre. J'ai saigné comme un porc qu'on égorge pendant 15 heures chez moi. À un moment, au milieu du sang, un truc bizarre. Donc j'ai lu la notice et appris que le médicament en question était une pilule abortive qui provoquait des contractions et l'expulsion de ce qui se trouvait dans l'utérus. J'ai donc compris que j'étais en train de subir un second avortement. J'ai mis du sang sur mes vêtements. J'ai mis du sang dans mon lit. J'ai mis du sang sur mes serviettes de bain. C'était comme, j'imagine, hein, les années 60. Tout ce sang chez moi et une amie qui me veillait. Plusieurs mois après, j'ai été hospitalisée. L'infection était remontée jusqu'au rein. Un médecin m'a alors expliqué gentiment, c'était un homme, que le garçon devait mal me faire l'amour, qu'il devait être brutal. J'ai eu honte de n'avoir pas réagi avant. Le lendemain, je tenais à peine debout. J'ai revu le docteur Gruau. Ah, elle était fâchée, que j'ai appelée plusieurs fois. Elle a dit « Exagérez pas, vous avez quand même pas besoin d'une transfusion ». Et puis, elle m'a examinée. Elle a dit « Il en reste encore. Il faut réopérer. » Donc, on m'a fait un 3e avortement sous anesthésie générale. Comme la première fois, technique de l'aspiration. J'ai été hospitalisée, cette fois jusqu'au lendemain. J'ai passé la nuit à regarder Arte et à fumer des cigarettes dans l'escalier. Et le lendemain, je suis sortie et je suis allée chez ma sœur. Je voulais pas que mon copain s'occupe de moi. J'ai voulu raconter cette histoire à ma gynéco, celle qui m'avait adressée à la clinique. Elle m'a répondu « Vous savez, les avortements, ça grave pour personne. » C'était en 2004. J'étais adulte. J'avais 24 ans. Une histoire d'amour stable, comme on dit dans les magazines. Et je ne voulais pas d'enfant. J'étais pas une victime. Ni des hommes, ni de la société. J'avais choisi. Et je devais être punie pour ça. Ma punition me réassignait à la place que j'aurais jamais dû vouloir quitter. J'étais une femme. Et comme telle, je devais subir le sang et fermer ma gueule. Elle perd son royaume dans le désespoir de chaque jour. J'attends que la vie me tombe dessus. Pour marcher le temps, je passe dans les rues. J'attends qu'on me dise, vois, elle est là. Pendant ce temps, l'ennui est là. Dans mes ténèbres, en prince, il règne. Je voudrais que ça cesse, ce cœur qui saigne. J'attends d'enfin ne plus attendre. J'attends d'enfin ne plus attendre. Hier encore, de bon matin, je me suis écorché les mains. Ce soir encore, le désespoir prend ses quartiers dans mes placards. Aspire mes rêves et mes désirs. Fois la benne, mes plus beaux rires. Je me ramasse à la cuillère. Je passe mes révoltes au mixeur. Je suis la bonne poire qui sait dire oui. Pourquoi le non reste en sursis? Pourquoi le non reste en sursis? J'attends quelqu'un dans mes bagages. Partir toute seule, j'ai pas le courage. J'attends qu'on fume, qu'on boive, qu'on s'aime, qu'on mange des cerises et des poèmes. J'ai les instincts sous cellophane. Pourquoi la sauvagerie se fane? Qu'est-ce qu'on attend pour la vraie vie? Qu'est-ce qu'on attend pour la vraie vie? Il est 18h40, Maud Rivedoux rentre chez elle après sa journée de travail. Voilà, allô chérie, dans la belle chaise. Ah, oh, papa, il n'a pas débarrassé. Oh, bah oui. Bah oui. Voilà, c'est tout propre. Regarde ce qu'elle va faire, maman. Oh, une bonne soupe de carottes. Mais oui, pour mon chéri, pour mon amour, pour ma vie. J'ai jamais vu mon père débarrasser la table. Le repas fini, il monte dans sa chambre. Ma mère débarrasse tout, comme elle a tout installé. Ma grand-mère de 80 ans l'aide, mon père non. La vaisselle, c'est l'affaire des femmes. J'ai jamais vu ma mère payer. Enfin, toutes les dépenses qui étaient visibles, le resto, les glaces, un journal, un café, mes vêtements... C'était toujours mon père. L'argent, c'est l'affaire des hommes. J'ai jamais vu beaucoup mon père. C'est ma mère qui m'a élevée. C'est ma mère qui était là. La présence, c'est l'affaire des femmes. J'ai jamais vu ma mère se servir du vin à table. Elle demande à mon père. Patrick, mon verre est vide depuis un petit moment. Et lui s'excuse. Un homme ne doit jamais laisser une femme avec un verre vide à table. Il aurait dû le remarquer. Et il aurait dû la resservir sans qu'elle ait besoin de demander. Le vin, c'est l'affaire des hommes. Attendre, c'est l'affaire des femmes. Il est 18h40. Maud Rivedoux rentre chez elle après sa journée de travail. Voilà le chéri dans sa chaise. Ah, papa, il n'a pas débarrassé. Bah oui. Ah, maman est d'accord. Ouh, la vilaine tâche. Eh ben voilà, voilà, c'est tout propre. Regarde ce qu'elle va faire, maman. Oh, une purée de courgettes. Mais oui, pour mon chéri, pour mon amour, pour ma vie. Je crois fondamentalement que la situation de la femme n'a pas changé. La femme se charge de tout dans la maison. Même si elle est aidée à le faire, même si elle est beaucoup plus avertie, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus audacieuse qu'avant, même si elle a beaucoup plus confiance en elle maintenant, même si elle travaille, la femme, eu égard à l'homme, n'est pas changée. La femme est le foyer. Elle l'était, elle est encore là. Donc pour vous, Marguerite Duras, la maison, c'est l'endroit de la femme? La maison, c'est pour y mettre les enfants et les hommes. Pour les retenir dans un endroit fait pour eux. Pour y contenir leur égarement. Les distraire de cette humeur d'aventure, de fuite, qui est la leur depuis les commencements des âges. Quand on aborde ce sujet, le plus difficile, c'est d'atteindre la pensée de la femme autour de cette entreprise démente que représente la maison. Le lieu de l'utopie même, c'est la maison créée par la femme. Elle croit que ça amènera les enfants plus tard à un état heureux de la vie. C'est ce que veut la femme, la mère, amener son enfant à s'intéresser à la vie. Et cela, pour presque toujours, n'aboutira à rien. Les enfants fuient la maison quand ils ont 15 ans, comme nous l'avons fui. Nous fuyons parce que la seule aventure est celle qui a été prévue par la mère. Et l'homme, lui, a-t-il changé ? Presque pas. Il crie moins, peut-être. Il se tait davantage maintenant. Oui, on ne voit rien d'autre à dire. Il lui arrive d'être silencieux, d'en venir au silence et naturellement de se reposer du bruit de sa propre voix. Un homme de force moyenne, de taille ordinaire, quand on lui dit ce qu'il faut faire, il le fait. Laver deux assiettes, il le fait. Faire les courses, il le fait. Il a cette tendance désastreuse de croire qu'il est un héros quand il achète les pommes de terre, mais peu importe. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. Vous ne croyez pas que vous exagérez, là ? Vous me dites que j'exagère. Oui. On me dit tout le temps, vous exagérez. Vous croyez que c'est le mot ? Vous dites idéalisation, que j'idéaliserai la femme ? C'est possible. Qui le dit ? Ça ne lui fait pas de mal à la femme qu'on l'idéalise. Vous voyez, je n'écris pas pour les femmes. J'écris sur les femmes pour écrire sur moi seule, à travers les siècles. De quelque côté de mon temps que je me tourne, je vois la starlette des chaînes de télévision, cette première de la classe pimpante et inlassable au courant de tout, dansant sur un fil au-dessus de la mort. Il est 18h50, Maude Rivedoux rentre chez elle après sa journée de travail. Oui, allez, allez, le chéri dans la chaise. Ah, papa, il l'a pas débarrassé. Oui, bah tu lui diras, hein, parce que moi, quand je lui dis, il n'entend pas. Oui, oui, elle sait, maman, c'est sale chez elle, elle a un dîner ce soir, il faut que tout soit impeccable. Allez, c'est parti, regarde-moi ça comme elle nettoie, là. Allez, c'est tellement propre qu'on pourra lécher la table. Allez, maman, elle est claquée, mais elle va quand même te faire une bonne soupe aux poireaux. Ah bah non, c'est du concombre. Eh bah c'est parfait, du bon concombre bio pour mon chéri. Comme ça, il aura pas le vilain bisphénol et il aura pas un cancer des testicules à 18 ans. Oui, je fais la soupe. Je fais la soupe. Je fais la soupe, t'es sourd ? Bon, alors, tu vas chercher Gaëlle à l'école parce que là, je suis débordée. Et repasse à la boulangerie prendre du pain. J'en ai pas pris assez, 3 baguettes. Mais si, mais ton père en mange 3 tonnes. Lui, de toute façon, je pourrais lui faire une quiche au pain, il serait content. Non, écoute, non, là, j'ai pas le temps. Il faut que je nettoie la cuisine, c'est dégueulasse. T'avais dit que tu le ferais. Oui, bah, t'allais le faire, t'allais le faire. Comme d'habitude, dans 3 ans. Bon, écoute, c'est pas moi qui ai invité tes parents à dîner, hein. Alors, t'as dit quelle heure, d'ailleurs ? 19h30. Non, mais attends, mais... Non, mais parce que moi, je voulais faire mes dossiers. Demain, c'est ma journée bilan. Je te l'ai dit 100 fois. Si, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Non, je te reproche pas de... Non, je te reproche pas de... Non, mais excuse-moi, c'est pas... Mais non, mais pardon, mon amour, c'est... Mais non, non, je veux pas te donner d'ordre. Oh, putain, la vanille. Oh, putain, j'ai oublié la vanille pour le gâteau de ta mère. Non, c'est pas vrai. Tu peux y aller, mais c'est extraordinaire. Mais c'est génial. Ah mais je t'aime mon amour, je t'aime, je t'aime. Ah non mais tu me sauves. D'accord. Ah non non non, pas de chocolat, ta mère a horreur de ça. Oui bah tu devrais le savoir depuis le temps que c'est ta mère, hein. D'accord. Allez, à demain. À tout à l'heure. Bonjour mon petit chéri. Oh mon petit chéri, j'aurai un grand chagrin ce soir parce qu'il va chercher la vanille. Oh tout ça bien. À tout à l'heure. Ciao. Allez, ouf, tout va bien. Papa il va chercher la vanille et le pain et Gaël. Oh bah mon chéri, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais regarde maman, elle est là. Allez, viens avec maman là. Oh, ouh, bah dis donc, c'est un gros chagrin là. Oh, ah non, mais c'est papa qui trouve pas la vanille, il est chiant. Oui. Oui, bonsoir monsieur Chaunu. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Le dossier 433, bien sûr, la rue Saint-Maur, le dégât des eaux avec l'écroulement du plafond. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la copropriété qui est responsable. Et là où je vais vous faire très très très plaisir, monsieur Chaunu, asseyez-vous. Quels sont leurs assureurs? Nos ennemis préférés. AXA. Ah ça oui, ils ont du souci à se faire, hein. Bah oui. Bon bah écoutez, je vous apporte tout ça demain avec l'incendie d'Ivry. D'accord. Bah on se dit 8h15 comme d'habitude. 7h45, pas de problème. Oui, merci, je vous remercie. Oui, merci, je vous remercie. Oui, merci, je vous remercie de votre merci. Très bonne soirée. Au revoir. Putain, il est 19h06. Attends, maman, elle a 24 minutes pour s'organiser, là. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Mais réfléchis, connasse. Attends, elle va faire les dossiers. Allez, c'est parti. Elle va te torcher le dossier 430 à 440, tu vas voir. Allez. Allez, concentre-toi, grosse conne. Bon, non, c'est ridicule, elle y arrivera jamais en 10 minutes. Elle fera ça après le dîner. Là, elle va faire la salade. Non, la salade, elle peut faire pendant l'apéro. L'apéro, elle le fera entre l'interphone et l'ascenseur. Attends, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'utile, là, maintenant? Mais le gâteau! Mais oui, mais bien sûr qu'elle est con. Mais évidemment. Allez, elle l'aura, la belle-mère, son gâteau à la vanille. Tu vas voir. Regarde, chérie. Un œuf. Wouh! Deux œufs. Wouh! Trois œufs. Wouh! Allez, quatre œufs. Allez, on s'en fout du cholestérol de papa pain. Il crèvera plus vite, ça n'est pas des vacances. Hop. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Chut. Silence. Bon, tu m'emmerdes là, hein. Bon, écoute, je comprends pas ce que tu dis là. Je ne comprends pas, articule. Mais qu'est-ce que t'as à pleurer comme ça toute la journée? T'en as pas marre? Tu sais que tu commences à me faire... Eh ben voilà, eh ben voilà, voilà, voilà. Maman, elle a tout cassé. Ah, il y en a bien partout comme ça, c'est bien dégueulasse chez elle. T'es content? Mais arrête de pleurer, putain! Mais j'en ai marre de t'entendre pleurer toute la journée! Est-ce qu'elle pleure, maman? Est-ce qu'elle pleure? Regarde-moi dans les yeux, est-ce qu'elle pleure, maman? Tiens, bah regarde, voilà. Voilà, maman, elle nettoie parce qu'elle est sale. Et toi aussi, t'es sale. Et le monde, il est sale. Elle en voulait pas, maman, de cette vie, là. Hein, ça fait 10 ans qu'elle voit pas passer sa vie. Elle en voulait pas, maman, de deuxième enfant, tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Maman, elle a piétiné tous ses rêves, là. Elle est... Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. De temps à autre, elle attrapait un des livres de son frère, en lisait quelques pages. Mais ses parents arrivaient, qui lui disaient de raccommoder les chaussettes et de ne pas perdre son temps. Bientôt, cependant, on la fiança. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur. C'est pourquoi son père la frappa durement. Elle fit un paquet de ses affaires, se laissa glisser le long d'une corde, par une nuit d'été, et prit la route de Londres. Elle avait, comme son frère, du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquèrent d'elle. Le directeur éclata de rire. Il aboya quelque chose à propos des caniches qui dansent et des femmes qui jouent. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne pouvait être comédienne. En fin de compte, car elle était très jeune et son visage ressemblait étrangement à celui de Shakespeare, le poète, en fin de compte, le directeur la prit en pitié et elle se trouva enceinte de ce monsieur. Qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur est dans le corps d'une femme? Elle se tua par une nuit d'hiver et fut enterrée à quelques croisements où les bus s'arrêtent aujourd'hui, en face de l'Elephant and Castle. Anyone can tell you there's no more road to ride. Everyone will tell you there's no place to hide. There's no laws or rules to enchain your life. Who didn't make it, the ones who couldn't take it, so glad they've made it out alive. Everyone loves the fun, everyone comes by. In the winds I crunch, I want to die. Je me suis recouverte de différentes couches, des couches qui protègent. En fait, elles m'éloignaient de ce qui était au cœur. Un jour, elles sont tombées tout d'un coup, et au lieu de me sentir libre et déchargée, j'ai eu peur que l'on me reconnaisse. Je crois que je n'étais plus un homme, je n'étais plus une femme, je n'étais plus qu'une blessure. J'ai perdu ma voix ce jour-là. Et je ne l'ai pas retrouvé depuis. J'ai 17 ans. On est deux filles en mini-jupe. Je porte des collants rayés et des Converse basses rouges. Et on revient de Londres, on galère en stop, ça nous prend toute la journée, bref. On se retrouve en pleine nuit à une station essence quelque part sur le périph. Et puis une voiture de trois lascars, typique banlieusard de l'époque. Donc comme ils sont trois, en fait, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Et puis ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, de faire des blagues, de discuter. Donc vous décidez de les suivre. Et oui, on monte dans la voiture. Au moment où les portières claquent, on sait déjà que c'est une connerie. Cette proximité, depuis, parmi les choses indélébiles. Corps d'hommes, dans un lieu clos, où on est enfermé avec eux, n'est pas semblable à eux. Parce que pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe, il y en a une qui a les cheveux verts, l'autre qui a les cheveux orange, forcément, on baisse comme des lapins. Donc le viol en train de se commettre, on n'est pas tout à fait un. Comme la plupart des viols, j'imagine. Et j'imagine que depuis, aucun de ces trois types ne s'identifie comme violeur. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. à trois, avec une carabine contre deux filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner, pas du viol. Pourquoi ? Parce que les hommes continuent de faire ce que les femmes ont appris à faire pendant des siècles. Appelez ça autrement. Alors, ils ont un peu forcé une fille, ils ont un peu déconné, après qu'il y ait besoin de la menacer, de la frapper, de s'y mettre à plusieurs pour la contraindre et qu'elle chiale avant, pendant, après, n'y change rien. Dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Bon, après, à moins que ce soit difficile hein, aussi à porter de l'autre côté, mais ça, on n'en sait rien, ils n'en parlent pas. Mais, excusez-moi. Je vous en prie, Virginie Despentes, continuez. Pendant ce viol, dans la poche de mon blouson, j'avais un cran d'arrêt. Et cette nuit-là, la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame, c'était pourvu qu'il la trouve pas. C'est-à-dire, j'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. C'est une question de mental. À ce moment précis, je me suis sentie femme. Seulement femme, comme je l'avais jamais sentie. Vous êtes en colère. Bien sûr que je suis en colère, je suis furieuse. Attention, hein, je suis pas furieuse contre moi de pas avoir osé en tuer un, non. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée, sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors même que cette société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Qu'est-ce qui vous a aidé après ça ? C'était en 90, je tombe sur un article d'une certaine Camille Paglia au sujet du viol. Alors, j'ai oublié ces termes exacts, mais en substance, c'est un risque inévitable. C'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Autrement dit, si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Oui, non, je sais, hein, ça m'a révoltée sur le coup. Mais n'empêche que depuis, plus rien n'a été verrouillé comme avant. En fait, ce qu'elle disait n'effaçait rien, évidemment, de ce qu'on avait appris cette nuit-là. Mais en fait, pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu. Elle en faisait une circonstance politique. Quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Paglia changeait tout parce que il s'agissait plus de nier, ni de succomber. Il s'agissait de faire avec. J'ai été engagée sur un spectacle pour le premier rôle. La première journée de travail, ma rencontre au plateau avec l'acteur qui joue mon père est peu banale. Immédiatement, il me chope par le bras et il me décolle une énorme claque. Obéissant à l'indication de la metteuse en scène, j'encaisse en silence. Après plusieurs reprises de cette séquence, et donc plusieurs gifles, il m'attrape, puis me jette au sol. Nous reprenons ce geste plusieurs fois, et à la fin de la journée, j'ai mal au niveau des côtes. J'en parle à mon partenaire, qui me promet qu'il fera attention à l'avenir. Je répète un spectacle, il y a deux acteurs de mon âge et moi, et puis un soir, on va au bar, on aborde la question des salaires, et là, je me rends compte qu'ils sont payés 500 euros de plus que moi. Comme ça, pour le plaisir. Le deuxième jour des répétitions, nous poursuivons le travail. La metteuse en scène souhaite revenir sur certaines scènes, notamment celle avec le père. Après une belle claque, bon, à ce stade je suis habituée, mon partenaire me soulève du sol et dans un élan me projette à plusieurs mètres. Mon pied percute le sol en premier et je m'écroule. Je reste figée tandis qu'il balance. Ça a craqué, non ? Avant de lâcher un rire sonore qui ne trouve aucun écho. Et quand je me relève, impossible de poser le pied par terre. Le moindre appui me fait atrocement souffrir. Je suis stagiaire décoration. Et un matin, le chef décoration me sort, un métier qui se féminise, c'est un métier en voie de disparition. À l'hôpital, on me dit que j'ai une fracture du calcanéum. Le médecin m'explique que c'est l'os du talon qui supporte tout le poids du corps. je réalise que je viens de perdre pour plusieurs mois l'usage de ma jambe, ma motricité et mon autonomie. Je réalise que je vais devoir renoncer à plusieurs projets professionnels. Je réalise que cet homme m'a brisé en un instant, comme on casse un jouet. Et je ne peux toujours pas m'empêcher de me demander, mais s'il s'était trouvé face à un homme, lui aurait-il décollé une claque avec la même évidence ? Sur mes premiers projets, j'avais du mal à diriger les gens. Dès que je devais demander quelque chose à quelqu'un, je lui offrais un gâteau, souvent des chouquettes. Et souvent, je m'excusais aussi plusieurs fois pour demander ce que je voulais. Alors, ça donnait... excuse-moi, pardon, hein. Je voulais savoir si tu veux des chouquettes. En fait, est-ce que tu pourrais éventuellement le projecteur qui est à jardin, enfin, si c'est pas trop lourd, le déplacer de l'autre côté, enfin, si ça te dérange pas, voilà. Bon, jusqu'au jour, un technicien me dit, écoute, ça me dérange pas parce que c'est mon boulot. Le tien, c'est de me dire clairement quoi faire, mais arrête de t'excuser et arrête avec tes chouquettes, je vais devenir obèse. Les femmes se diminuent. Oui, spontanément. Elles dissimulent ce qu'elles viennent d'acquérir. Elles se mettent en position de séductrice, réintégrant leur rôle, de façon d'autant plus ostentatoire qu'elles savent que, dans le fond, il ne s'agit plus que d'un simulacre. Vous, Virginie Despentes, vous êtes écrivaine. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, dans votre métier, d'être une femme ? En 93, je publie Baise-moi. Le premier papier qui sort, c'est dans Polar. Un papier de mec. 2-3 pages. De réassignation. Alors, c'est pas tant que le bouquin soit pas bon, hein, selon ses critères, qui dérange le bonhomme. Du livre, en fait, il parle pas. C'est que je sois une fille qui mette en scène des filles, comme ça. Et sans se poser de questions, il vient me dire, cet inconnu, et le dire publiquement. J'ai pas à faire ça. On s'en fout du livre, hein. C'est mon sexe qui compte. Et en fait, là, je réalise qu'on me tombe dessus de tous les côtés, hein, en s'occupant que de ça. C'est une fille, une fille, une fille. J'ai une chatte en travers de la gueule. Je m'étais pas encore beaucoup confrontée au monde des adultes. Et bah, ça va me surprendre pour un moment. Comment ils sont nombreux à savoir distinguer ce qui se fait de ce qui se fait pas quand on est une fille dans la ville. Quotidien, routinier, est souvent laissé aux femmes et on n'en parle pas. Des histoires de bonnes femmes, c'était l'expression des hommes de ma famille dès qu'il s'agissait du corps des femmes, de leur sang, de leurs accouchements, de leurs fausses couches, de leurs avortements. J'étais lycéenne et j'entendais les femmes parler à voix basse, avec une sorte de honte. Mais est-ce que la naissance et la mort ne sont pas pourtant des sujets fondamentaux, et même philosophiques. Mais il fallait pour cela que les Cioran et les Schopenhauer les nettoient de ce sang féminin. La mère de ma mère ne travaillait pas parce que mon grand-père le lui interdisait. La loi française ne l'autorisait pas à travailler sans l'accord écrit de son mari. C'est seulement en 1966 que la réforme des régimes matrimoniaux accorde enfin aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Elles peuvent travailler sans l'accord de qui que ce soit, ouvrir un compte en banque à leur nom et disposer de leur argent. Ma grand-mère devient alors monitrice d'auto-école. Ma mère a 20 ans, elle travaille et puis elle se marie, elle a des enfants, elle se construit sans modèle. À la fois libérée par mai 68, tout en continuant d'être emprisonnée par la tradition et pas mal culpabilisée par sa famille. Aujourd'hui, elle me dit, tu sais, je savais pas comment ça devait être une mère qui travaille. Hein. J'ai fait comme j'ai pu, en courant tout le temps, ça c'est sûr. Hein. J'ai grandi, on m'a dit que les garçons, les filles, c'était pareil, qu'il n'y avait pas de différence. Et je l'ai cru. Seulement, on m'avait pas dit que mon grand-père avait interdit à ma grand-mère de travailler. Que ma mère avait subi plusieurs avortements clandestins qui avaient failli la tuer. Qu'en fait, l'histoire des femmes n'est pas du tout la même que celle des hommes. Et on m'a pas dit qu'encore aujourd'hui je porte le poids de ces traditions, de ces culpabilités et de ces empêchements. C'est le système qui est à repenser. La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige au juste, être un homme, un vrai ? Taire sa sensibilité ? Avoir honte de sa délicatesse ? Être angoissé par la taille de sa bite ? Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre ? Ne pas montrer sa faiblesse, devoir faire le premier pas toujours ? Valoriser la force, quel que soit son caractère ? Avoir un accès restreint à la paternité, savoir se défendre, même si on est doux, être coupé de sa féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité. Je suis une fille. Il m'arrive d'être une princesse, princesse chouette. Je rote, je pète, je fais caca, comme toutes les princesses. J'ai les cheveux courts. Je porte du bleu, je déteste le rose. J'essaye de pas trop me faire mal. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye. Je fais toujours des choses qui me font peur, mais bon, ça c'est la vie. Je ne veux pas être un garçon. Je suis une femme. N'empêche, je suis forte et courageuse, comme beaucoup d'hommes. J'aime le sexe, je me masturbe, j'aime pas avoir mes règles. J'aime les baskets et les jeans un peu larges. J'aime bien les bottes et les robes aussi. J'ai jamais été champion olympique. Je suis comédienne. J'aime l'homme qui vit dans mes bagages. Je fume, je bois, je mange des cerises et des poèmes. Et je vais dire quelque chose maintenant pour la première fois de ma vie. Quelque chose que j'ai jamais dit avant, que je pouvais pas dire, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis féministe. Prête ? Oui. Ouais. C'était Modèle, une écriture collective de la compagnie La Part des Anges, d'après la mise en scène de Pauline Bureau. Enregistrée en public et en direct au studio 114 de la Maison de la Radio le 10 juin 2014. Interprétée par Sabrina Baldassara, Laure Calamy, Sonia Floire, Gaëlle Ozerman et Marie-Nicole. Avec des extraits de textes de Pierre Bourdieu, Marie Dariussec, Virginie Despentes, Marguerite Duras, Catherine Millet et Virginia Woolf. Musique originale, Vincent Hulot. Bruitage, Patrick Martinache, assisté par Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Clotilde Thomas, Lise-Marie Barré, Pauline Bureau et Laure Egoroff. Vous écoutez France Culture Samedi Fiction, vous pouvez retrouver Modèle sur l'application Radio France et franceculture.fr. Prochain rendez-vous avec la fiction demain dimanche à 20h avec Niquer la fatalité, chemin en forme de femme d'Estelle Meyer. Dans quelques instants, ce sera le Book Club. Bonne soirée sur France Culture. Vous écoutez France Culture. Il veut rétablir le bon sens à Washington et dans le monde. Hervé Gardette. Donald Trump a fait du bon sens la ligne directrice de son mandat. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Le bon sens gagne aussi le discours politique en France. Or, faut-il y voir une dérive populiste ou au contraire un appel à revitaliser la démocratie? Nous en débattrons ce dimanche avec Magali Lafourcade, Didier Lesky, Laetitia Stroche-Bonnard et Arnaud Esquéré. L'esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. T'as l'air de rien, Tréguier, mais t'es un sacré héros. Ah oui ? 1875, un jeune explorateur breton se retrouve au fond d'une mine du pays de Galles. Une terrible catastrophe vient bouleverser son destin et la marche du monde. L'esclavage est partout et nous en sommes responsables. Après l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, le retour du héros qui ose changer l'histoire. L'improbable révolution de Corentin Tréguier au Royaume-Uni, par Emmanuel Suarez, réalisation Sophie Haute-Picon. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Coucou. France Culture. J'espère qu'on va garder ce coucou dans le début de l'épisode de Marianne, qui est un coucou tellement collector. le book club. Out of me you grow a thorn or a rose. I smell roses now and pull out thorns. Dans la bibliothèque de Pierce Faccini. J'ai remarqué. Dali, pareil. Dali, il a dit là, ouais. Ah, tiens, elle boit du coca. Exactement, Dali vient. Donc, si j'avais pris un café, personne m'aurait jugé. J'en bois toute la journée. On est d'accord. Mais si je prends un café à 18h, c'est bien sûr, je me justifie, mais à la vôtre. Marie Richeux. Vivien, il me juge. Il a bien raison. Nous allons arpenter une bibliothèque aujourd'hui et nous avons précieusement choisi ce mot parce qu'il vous va bien, Pierce Faccini. C'est en arpenteur que vous évoluez sur les différents territoires de la musique, de l'art et des montagnes. Depuis vos premiers disques et jusque vos récentes collaborations, vos compositions et votre chant, vos mots, sont comme des pas que l'on pourrait faire pour relier bien des pays, à commencer par ceux qui n'existent pas. Sur la pochette de votre dernier disque figurent deux rossignols. Oiseau, poète et migrateur, votre voix s'y en mêle à la cora de Balaké Sissoko pour inventer encore un nouvel espace. Alors, quels livres nourrissent cet imaginaire? Vous allez nous raconter. Il apparaît en tout cas dans les textes que vous avez choisis que la sensation, mais aussi l'attention au son du monde et à ses échos vivants vous importe. Merci beaucoup, Pierce Faccini, de déballer votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture et bienvenue chez vous. Merci. Est-ce que le mot arpenteur vous convient et depuis quand et par quel chemin vous arpentez les bibliothèques? Moi, ça me va tout à fait parce qu'en plus, j'habite un peu dans les débuts des montagnes. Donc, je passe ma vie à arpenter déjà la nature autour de moi. Et puis, j'aime bien ce mot aussi parce que quand on est tout jeune et qu'on découvre les livres pour la première fois, il y a quelque chose de sacré dans une bibliothèque, dans une maison. Et étant tout petit, qu'il y avait des livres qui étaient trop hauts pour moi. Donc, il fallait que je prenne une chaise. Puis après, je ne les comprenais pas forcément. Mais en tout cas, oui, arpenter, ça me va complètement. Ouais. Oui, puis d'emblée, il y a aussi l'idée de grimper pour aller voir le livre qu'on a aperçu là-haut et que peut-être on ne comprend pas. Oui, et puis je pense qu'on connaît tous ça dans ces lieux, dans notre enfance. Il y a des livres que j'ai vus de loin. Peut-être que je ne les ai jamais pris, en fait, parce qu'ils étaient soit trop hauts, mais ils étaient quelque part pas accessibles dans tous les sens, quoi. Ça veut dire que vous grandissez avec des livres autour de vous? Oui, je grandissais avec des livres autour de moi et mon père était pathologiste, médecin, chercheur et ma mère dentiste. Mais c'était des passionnés de peinture, de musique et de littérature. Donc oui, j'ai grandi vraiment avec des livres autour de moi et depuis toujours. Et puis, une chose, je pensais à ça en marchant vers la maison de la radio aujourd'hui. Je pensais à mon père qu'à chaque fois qu'on parlait de quelque chose et qu'on n'avait pas exactement le détail de ce que c'était, il disait toujours « prends l'encyclopédie ». Pareil. Quoi. Pareil à la et maison. Du coup, réflexe. Là, c'est le Google de l'époque. De quoi. L'époque. Et donc l'encyclopédie. L'encyclopédie. Ouais, c'était important aussi. Et puis après, je pense que tout petit, les premiers livres, à part les histoires qu'on me lisait, les premiers livres ne sont pas des livres où j'étais attiré par les mots, mais c'était des livres d'histoire de l'art, et surtout de la Renaissance et de la pré-Renaissance. Et moi, je passais des heures et des heures sur les tapis du salon, là où il y avait la bibliothèque, et je prenais ces livres et je regardais les visages et je partais, quoi. Est-ce que c'est ça qui vous fait ensuite réciter le nom des peintres lorsque vous vous trouvez dans les églises en Italie et que vous connaissez absolument ceux qui ont peint, ce que vous regardez avec complètement. Attention? J'étais un petit nerd de la Renaissance et du coup, les livres, c'était génial parce que j'avais toutes les références, parce qu'on allait voir ces églises et je rentrais, je voyais ces peintures pour de vrai, les fresques. Mais après, quand on rentrait à la maison, en fait, je pouvais les revoir dans ces livres. À l'époque, on faisait des très, très, très beaux livres, des séries, surtout les peintres italiens de la Renaissance, que j'ai encore, en fait, j'ai hérité de ces livres. Donc ça, c'est précieux pour moi. Vous mentionnez donc ces gros livres d'histoire de l'art, votre fascination pour la peinture, mais aussi les allers-retours. Je trouve ça assez beau dans une vie d'enfant, que ce soit possible de se rendre compte qu'il y a le monde et qu'on peut revenir aux livres et qu'ensuite on peut retourner au monde, enrichi de ce qu'on a appris dans les livres. Qu'est-ce qui est peut-être la seconde étape de votre parcours de lecteur? Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on lit, quand on est petit, on apprend à regarder le monde, en fait. Pour moi, c'est que ça. Donc, on apprend un langage et on apprend aussi un langage moral, spirituel, esthétique, une sensibilité, une façon d'être touché par un regard, par le monde, par ces personnages. Je pense que les premières histoires qui m'ont vachement touché, j'étais obsédé par la mythologie, donc j'avais tous les bouquins sur tous les mythes de tout le monde, en fait. Donc j'avais les mythes grecs, j'avais les mythes norses, j'avais les mythes chinois, indiens, enfin, ça c'est vraiment les premières lectures où on a cette chose qu'on connaît tous, voilà. Quand on est enfant, quand on plonge complètement, il n'y a rien d'autre qui existe à part des histoires. Et toute cette émotion, quand souvent, voilà, si les histoires, ça ne se passe pas bien, qu'on est bouleversé. J'ai vu ça dans mes propres enfants, c'est extraordinaire de voir ça. Quand son propre enfant est bouleversé par une histoire, on se dit « Hallelujah ». C'est vrai, oui, ça vous importe en tout cas. Ah ouais, mais je me dis, mais quelle magnifique expérience, en fait, d'être touché par une histoire autant qu'on en verse des larmes, quoi. Est-ce qu'il y a des étapes importantes dans votre vie de lecteur après ça, Pierre Sfaccini ? Est-ce que vous avez découvert des auteurs, des autrices ? Je pense que les premiers bouquins qui m'ont touché vraiment enfant, en fait... Ou plus tard, hein, ça peut être... Si on reste dans l'enfance... Si on reste un peu dans l'enfance ? En tout cas, c'est les histoires... genre Jack London, par exemple. Ça, c'est... Je parlais de verser des larmes. Là, j'ai versé des larmes, quoi. C'était extraordinaire. J'ai trouvé White Fang, Call of the Wild. J'ai adoré ça, quoi. Et puis après, je suis parti... Petite parenthèse, vous citez les titres de Jack London en anglais parce que vous les lisez en anglais. Parce que je les lisais en anglais, bien sûr. J'ai lisé en anglais. Et ensuite, c'était... Bon, c'est drôle rétrospectivement, mais je suis parti en pensionnat en Angleterre. À quel âge ? J'avais vers 10 ans. Et là, je suis tombé sur Nicholas Nickleby de Charles Dickens. Et en fait, quand je lisais le livre, je me disais, tiens, j'ai la même expérience, quoi. En fait, Nicholas Nickleby, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre dans cette école qui était hyper dure, très disciplinaire, très froide, aucune émotion. Enfin, vraiment, espèce d'éducation à l'anglaise, old school, quoi. Et c'était un réconfort de pouvoir avoir cette sorte de miroir. Oui, c'était un réconfort parce que c'était là, parce qu'on cherchait de survivre émotionnellement, en fait, dans cet environnement assez abusif, quand même. Et donc, le dénouement de cette histoire, j'étais avec ce personnage, quoi. Il fallait qu'il réussisse parce que c'était comme moi, en fait. Ouais. Il y a quelque chose dans la puissance d'identification qui est souvent évoquée par nos invités, c'est-à-dire le moment où ils comprennent qu'ils peuvent trouver dans un livre une représentation d'eux-mêmes, un miroir plus ou moins déformant, qui est quelque chose de très fort. Ah, je pense que c'est exactement ça. Le narrateur de Dickens, pour vous, à ce moment-là, c'était ça ? Oui, complètement. Et puis, c'est un peu aussi ce que je disais, c'est-à-dire qu'on rentre dans la vision de quelqu'un d'autre. Et toucher cette vision devient la nôtre. C'est-à-dire, c'est comme un filtre ou un masque qu'on prend et nous, on voit le monde de cette façon-là et elle nous émeut, quoi. Et ça, je pense qu'une fois que ça, c'est en place, bah, c'est un espèce de... Mécanisme, on sait faire. Oui, c'est un mécanisme, ouais. C'est un prisme qui va dégager de la lumière, qui va juste fonctionner, quoi. Est-ce que vous écriviez déjà à ce moment-là, 10, 11 ans ? Non, j'écrivais pas encore. Je dirais que j'ai commencé à écrire les premières chansons, les premiers textes que j'ai écrits, c'était vers 14-15 ans, je pense. Est-ce que la lecture de certains textes aurait pu vous orienter vers l'écriture ou c'est autre chose qui vous a orienté vers l'écriture de chansons ? Je pense que c'est assez drôle parce que ça continue encore aujourd'hui, c'est que je lis aussi beaucoup les paroles de chansons, exactement. Donc là, je lisais beaucoup de paroles de chansons, déjà, de groupes très différents, parce que bon, j'adorais la plume de Morrissey, du groupe The Smiths. Je trouvais qu'il écrivait incroyablement bien, ça me touchait énormément. Mais j'étais aussi extrêmement fan de Bob Dylan, et donc je lisais toutes les paroles de Bob Dylan. Après, j'ai découvert Joni Mitchell, Leonard Cohen. Il y a un truc, quand je sors un album, pour moi, c'est indispensable, il faut toujours qu'il y ait les textes dans l'album. En parlant de lecture, moi, quand j'achetais des disques, quand j'étais teenager jusqu'à aujourd'hui, si j'achète un disque... Le livret, quoi. Le livret, et quand j'entends la chanson pour la première fois, il y a des paroles, je veux lire les paroles en même temps, quoi. C'est marrant parce que finalement, ça dit votre attachement à cet objet-là, d'une certaine manière, Pierce Fachini. C'est-à-dire que le livret, c'est un petit livre, le mot l'indique d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est une carte écrite de ce qu'on entend. Et puis après, la particularité du chant, c'est qu'il y a des chanteurs qui chantent incroyablement bien, mais qui ont décidé de pas forcément aller dans une diction très claire, parce qu'ils veulent emmener leur voix instrumentalement vers des sonorités où ça va nuire un petit peu l'intelligibilité du texte. Et donc c'est là, le livret, pour moi, il est super important. Si on vous retrouve dans votre vie de lecteur, donc à la fois, on pourrait dire, allez, il y a une image de 10-11 ans, Dickens, et puis 14-15 ans, vous lisez peut-être les recueils des textes de Bob Dylan, enfin, vous débrouillez Leonard Cohen ou les Smiths. Si on vous retrouve peut-être plus jeune adulte, vers 20 ans ou vers 30 ans, est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont importants dans votre vie? Oui, complètement. En fait, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup quand on fait l'équivalent du bac, c'est les A-levels en Angleterre, donc on lit énormément de littérature, mais on lit ça dans un contexte scolaire, académique, hyper froid en fait. Et donc on lit ces choses-là, mais c'était comme s'il y avait un truc que j'accrochais pas quand je lisais ces romans ou ces monuments de la littérature. Et en fait, bon, moi j'étais un petit peu bad boy, donc j'étais renvoyé d'une grande école quand j'avais 17 ans. Et je me rappelle que le moment où je suis parti de cette école, je me suis dit, je sais pas comment j'ai compris ça en fait. J'étais précoce, mais dans ce sens-là, j'ai compris que le moment où j'ai quitté le sein académique, là, je pouvais commencer à lire. Et il y a même plein de bouquins que j'avais lus dans un contexte académique. Et que vous avez repris. J'ai repris. Et donc après, très vite, j'avais un grand frère qui étudiait la littérature à l'université. On s'écrivait énormément de lettres. Donc ça, c'était... Parce que vous étiez éloigné ? Ouais, parce que lui, il était à Édimbourg. Et moi, j'étais à Londres. Et puis après, il est parti. Il était à Paris. Après, il est parti à New York étudier. Enfin, et donc, on avait une énorme correspondance de lettres entre nous. Et en fait, lui, il m'a introduit à des choses qui ont été une grande influence pour moi, c'est-à-dire qui ont accompagné le choix que j'avais fait des peintres que j'adore, qui étaient à l'époque les grands genre Giacometti, Morandi, Francis Bacon. Et en même temps, j'ai découvert donc Antonin Artaud, j'ai découvert... qu'il vous conseillait de les lire ? Ouais, absolument. Genre donc, à la fin d'une lettre, tu devrais, Pierce, te procurer ce bouquin. Ouais, il disait... Bah, il me récurait la lettre et puis il me parlait de... J'ai lu ça. Et il me dit, il faut que tu lises la trilogie de Beckett, like Malloy, Malone Dies, The Unnameable... ou Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, tout ça. Et vous y alliez systématiquement? Ah ouais, non, mais complètement. C'est mon grand frère, je l'adore. Donc, vous avez gardé cette correspondance? Ouais, alors c'est drôle parce qu'on en parlait l'autre jour, on a des cartons de cette correspondance un peu fou, quoi. Mais c'est beau quand même. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est vraiment aussi ce moment où je suis sorti d'un espèce de milieu académique, je suis allé totalement assumer mon côté autodidacte. Et donc, quand Dominique, il me disait, mon frère s'appelait Dominique, quand il me disait, lis Beckett ou lis Artaud, ou lis, je te conseille de lire Anti-Oedipe de Guattari et Deleuze, je les lisais. C'était quoi. Costaud quand même, c'était pas des petits conseils quand même. Non, mais nous, on était à fond. Et après, vous lui disiez, j'ai lu et je t'en parle. Ouais, puis ça m'a. Parce que moi, j'étais plus peintre à cette époque-là, j'étais vraiment, vraiment peintre. Et donc, je passais mes journées à peindre. Et en fait, je faisais mes propres recherches aussi en parallèle. C'est-à-dire, c'était pas que des recommandations de mon frère. Et du coup, en parallèle, j'ai commencé à regarder les dessins d'Artaud. J'allais vers l'art brut. J'étais très fan de Dubuffet aussi. Et vous lisiez dessus? C'est-à-dire que c'était pas que fréquenter les œuvres d'art. Il y avait aussi... C'est surtout... En fait... Je me rappelle, j'avais une dispute avec un ami qui a été à Cambridge à l'époque, qui étudiait la philosophie. Puis en gros, lui, il m'a dit, mais toi, tu peux pas lire de la philosophie parce que tu sais pas penser académique. T'as pas appris à penser et à analyser. Et moi, je disais, mais en fait, c'est toi qui ne peux pas lire la philosophie, parce que toi, tu as seulement ta méthode, mais tu ne lis pas avec tes tripes. Moi, je lis avec mes tripes. Donc, je me défendais quand même. Donc, il y avait ce truc-là, et je pense que je l'ai... Encore une fois, c'est ce truc d'assumer. Avec quelle intuition vous vous défendez? Parce que ce n'est pas facile de pouvoir soutenir ça, de pouvoir comprendre que, bien sûr que oui, il y a un rapport à la lecture qui peut être tout à fait autre que celui qui a été le fruit d'un enseignement ou d'un parcours académique. Parce que dans mon école et dans cette institution, on a essayé d'enlever une façon de réagir et de dialoguer avec le monde de façon émotionnelle. Donc, vous l'avez corporelle. Et je l'ai défendu. Et j'ai été renvoyé, donc ils m'ont rejeté. Et j'ai, ça vous a renforcé d'une certaine manière. Ça m'a renforcé et je m'en réjouissais de cette issue. Et je considérais que, eux, ils considéraient que j'étais quelqu'un qui avait échoué. Et vous, c'était mais votre moi, force. J'avais vaincu, quoi. Ouais. Je les avais battus. Et donc, the heart, c'était avant tout le cœur, quoi. C'était et l'émotion et les tripes. Et du coup, quand je rencontrais le copain qui était philosophe, qui écrivait, qui était absolument brillantissime, eh ben, j'avais quand même assez d'arrogance, peut-être un peu d'arrogance quand même, mais oui, de mais penser que lui, il n'avait pas compris un truc. Même s'il comprenait tout mille fois mieux que moi, l'essentiel de quelque chose, je l'avais compris, lui pas encore. Est-ce qu'il y a une autre étape qu'on doit évoquer pour faire le tour de la question de votre vie de lecteur avant qu'on puisse après, aller vers vos choix de texte? Après, je dirais que j'ai eu un grand moment de plongeon dans quelque chose que j'ai vraiment choisi moi-même, qui est les textes, par exemple, de William Burroughs, The Red Knight Trilogy, tout ce qui était un peu magical realism. Je suis devenu obsédé par Murakami. J'ai tout lu de Murakami. Ça, c'était très important pour moi. Et puis ensuite, le truc... Après un moment, je me suis un peu lassé des histoires et j'ai commencé à lire beaucoup de poésie essentiellement. Et donc, ça a rejoint un moment où c'est comme si j'avais eu trop d'histoires. Les histoires, je voulais les mettre de côté. Et donc, j'avais une fascination pour les poésies soufies, les poésies Chan, le début du bouddhisme en Asie, la pensée non dualistique, l'Advaita Vedanta, les poètes comme Rumi, Hafez, tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui dans la petite histoire, ça, peut-être ça ferme le cercle, quoi. Et on va les retrouver tout à l'heure parce que ça fait partie des choix de textes que vous avez décidé de partager avec nous. On fait une toute petite pause avec un extrait de votre nouveau disque, Mournful Moon. Is black, snapped a track of fate is in the ground. She crossed the ridge under the breach, the valley bright toward the night that only visions reach. Mournful moon, with us over rain. Thank you. France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque de Pierce Faccini. Marie Richeux. Et on arrive dans le deuxième temps de ce portrait de bibliothèque, Pierce Faccini. C'est un moment où on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, chacune de nos invités, de choisir 5 extraits que vous vouliez bien partager avec nous. Alors, vous évoquiez le moment de peintre de votre parcours, votre rapport à la peinture. Vous disiez aussi que votre grand frère, parmi les choses qu'il vous suggère de lire, j'ai entendu passer l'Anti-Oedipe, donc il y avait Deleuze et Guattari. Le premier choix de texte, c'est un texte de Gilles Deleuze, en rapport avec la peinture et particulièrement avec le sujet de la figuration. Est-ce que vous voulez lire ou le commenter avant? Dans quel sens? Je pense que c'est bien de le lire. Le lire avant premier. Alors, allons-y. Donc, c'est Logique de la sensation. Donc, c'est un livre qu'il a écrit sur la peinture de Bacon. Donc, Bacon, c'était vraiment mon obsession, quoi. C'était le peintre que j'adorais le plus et que j'allais même... un peu l'espionner quand il buvait des coups à Soho, à Londres, parce que je connaissais un peu les coins où il traînait. Mais bon, je suis un grand, grand amoureux de la peinture de Bacon. Alors, on vous écoute pour Logique de la sensation, 1981, Gilles Deleuze. Il y a deux manières de dépasser la figuration, c'est-à-dire à la fois l'illustratif et le narratif. Ou bien vers la forme abstraite, ou bien vers la figure. Cette voie de la figure, Cézanne lui donne un nom simple, la sensation. La figure, c'est la forme sensible rapportée à la sensation. Elle agit immédiatement sur le système nerveux, qui est de la chair. Tandis que la forme abstraite s'adresse au cerveau, agit par l'intermédiaire du cerveau, plus proche de l'os. Certes, Cézanne n'a pas inventé cette voie de la sensation dans la peinture, mais il lui a donné un statut sans précédent. La sensation, c'est le contraire du facile et du tout fait, du cliché, mais aussi du sensationnel, du spontané. La sensation a une face tournée vers le sujet, le système nerveux, le mouvement vital, l'instinct, le tempérament, tout un vocabulaire commun au naturalisme et à Cézanne. Et une face tournée vers l'objet, le fait, le lieu, l'événement. Ou plutôt, elle n'a pas de face du tout. Elle est les deux choses indissolublement. Elle est être au monde, comme disent les phénoménologues. À la fois, je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation. L'un par l'autre, l'un dans l'autre. Et à la limite, c'est le même corps qui la donne et qui la reçoit, qui est à la fois objet et sujet. Moi, spectateur, je n'éprouve la sensation qu'en entrant dans le tableau, en accédant à l'unité du sentant et du senti. La leçon des Cézanne, au-delà des impressionnistes, ce n'est pas dans le jeu libre ou désincarné de la lumière et de la couleur que la sensation est au contraire, c'est dans le corps, fût-ce le corps d'une pomme. La couleur est dans le corps. J'adore parce que Bacon, ce qui me fascinait, c'est que lui, il avait tout un jeu quand il peignait. Il fallait que le hasard, quelque chose du hasard, prenne la main sur le pinceau et qu'il y a un événement qui arrive que lui, il ne pouvait pas mentalement faire ou imaginer. Il y a un accident. Mmh. Donc lui, il utilisait le mécanisme de l'accident. Et en fait, c'est ça que Deleuze, il parle. En fait, il parle du fait qu'il y a un moment, une image, ça peut être un des portraits de Bacon, un de ces personnes qui étaient ses modèles. Et bien, en fait, il y a un moment, ce n'est plus la personne illustrée, c'est la personne incarnée, ou c'est la trace de quelque chose d'incarné. Ou sa force vitale, pour reprendre sa force vitale. Et là, on ne sait pas comment il est arrivé à faire ça. Mm. C'est comme un geste chamanique, c'est non mental, ce n'est pas de l'ordre de la pensée binaire, on pourrait dire. Mm. Pour moi, ce n'est pas dualistique, quoi. Et donc, Bacon, ce que j'adore chez lui, c'est son génie, parce qu'il avait des limites en termes de technique, de peintre, mais son génie, c'était de comprendre ça et de mettre en place tout un procédé dans sa peinture pour arriver à ce que lui, il appelait « the brutality of fact », la brutalité du fait. Et donc lui, il parlait de Velázquez, en disant que dans Velázquez, oui, on voit Innocent X ou ses portraits du roi, mais ce qu'on voit, c'est comme une gifle de quelque chose qui est absolument propre au corps et à la sensation du corps, la vitalité d'un corps, et donc aussi à la mortalité, à la mort. Et je pense que... Qui outrepasse très largement des enjeux de figuration. C'est bien au-delà de ça. Exactement. Et c'est tellement... Donc du coup, bah, ça en lien évidemment avec le corps sans organes d'Antonin Artaud. Enfin, et on pense aussi au texte d'Artaud sur Van Gogh, le suicidé de la société. Je crois que ça... Et donc ça, c'était des lectures qui étaient très importantes pour moi. Et ce qui fait que dans ma peinture, j'ai choisi ce qui est de plus difficile et peut-être que j'ai jamais vraiment arrivé du coup parce que c'est tellement difficile, c'est qu'on a l'impression qu'on échoue tout le temps parce que il faut détruire le contrôle de la main en fait. Et je continue dans tout ce que je fais, même en musique. En musique aussi, c'est ce que j'allais dire. En musique aussi et en texte quand j'écris, ben en fait, je cherche toujours une espèce de lâcher prise comme une espèce de moment de transe où les mots elles vont juste descendre en moi, où la mélodie elle va juste apparaître presque de nulle part. Et la rêverie, je parlais beaucoup de rêverie quand j'étais enfant, cette rêverie d'enfant, je l'ai cultivée, c'est une technique et je l'utilise à chaque fois que j'écris. Et si j'ai pas cette même sensation dont il parle, Deleuze, en fait, non illustratif, je peux faire qu'une chanson où j'ai l'impression qu'il y a une valeur. Sinon, il ne faut pas qu'il y ait trop de sens, par exemple, ou que le sens ne soit pas du côté de l'illustration ou de la figuration. Ouais, c'est comme cette chanson, en fait. Mournful moon with her silver rays. Je suis dans la danse des mots, donc il faut que ça coule dans la bouche, quoi. Et il faut que ce soit imagé, mais j'ai aucune idée comment m'est venue cette phrase et pourquoi elle va si bien sur cette espèce de ternaire très, très africain. C'est tout ça qu'on travaille et pendant des années et des années, à avoir ces moments où ça se libère. Et donc Bacon, pour moi, c'est lui qui lance la trame. Et puis même si je ne comprenais pas tout, À quel moment vous lisez ça? C'est-à-dire que j'ai lu entre 19, 20, 21 ans, par là. Je commençais à lire Mille Plateaux, Anti-Oedipe, Artaud. J'étais un jeune homme assez sérieux. C'est pas grave, je comprenais ce que j'arrivais à comprendre, mais en tout cas, ça a été une trame importante pour moi. Vous les avez repris, ces textes-là? L'Anti-Oedipe, les Mille Plateaux, le texte de Deleuze sur la peinture? Vous continuez à les fréquenter? En fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que je me suis replongé dedans parce que, en fait, il y a 5 ans, on a acheté une ruine dans les Cévennes avec ma femme, Lavinia. Et en fait, on l'a retapée. Et donc, pendant 3-4 ans, tous nos livres et tous les disques, ils étaient dans des cartons. Et là, l'autre jour, j'ai tout déballé. Un moment magnifique, quoi. On déballe les livres. Et là, c'est incroyable. Tous ces livres. Et en fait, ma femme, elle dit, allez, range les livres. Et moi, j'étais en train de les relire parce qu'on tombe sur des livres. On dit, ça, c'est génial, il faut que je le relise, quoi. Donc, tous ces bouquins-là sont là-dedans, quoi. Vous vous êtes délesté lorsque vous avez préparé ces cartons pour partir dans les Cévennes? Vous vous êtes séparé de beaucoup de livres à ce moment-là, au moment d'entreprendre ce voyage, cette nouvelle installation? Disons que, en tout cas, l'idée d'une pause et le silence, c'est de plus en plus précieux pour moi. Donc l'idée de mettre temporairement les livres dans les cartons, ça ne m'a pas du tout gêné. Et au moment de mettre ces livres dans les cartons, vous vous en êtes séparé de certains? Oui. Dans votre précédente maison? Oui, absolument. C'était bien? Oui, parce que je pense que ça peut servir à d'autres et que je sais que je ne vais pas les relire. Mais tout ce que j'ai gardé, j'ai envie de les relire. Ouais, parce que en fait, je dirais 90% de ce que je le lis en anglais. Et je dois admettre que j'ai aussi, je crois que j'ai Anti-Oedipe en français et j'ai Mille Plateaux en anglais, quoi. Donc j'ai même une traduction de... Donc j'ai plein de... Même Artaud, j'ai des versions en français et puis j'ai des traductions. Parce que j'étais à Londres à l'époque et on ne trouvait pas les originaux. Donc parfois, il y a plein de choses que j'ai relues ensuite en original, mais que j'ai connues en traduction. Ça aussi, c'est quand même une sacrée aventure de lecteur. C'est-à-dire se dire, OK, je vais commencer par les Mille Plateaux en anglais, parce que bon, ils sont en anglais à Londres, et puis je vais les reprendre ensuite. Ouais, mais c'est pour moi, jeune artiste, c'était un espèce de militantisme, quoi. Pour moi, c'est... Et puis, encore une fois, c'est parce que C'est dur à imaginer pourquoi, mais en fait, je me rends compte avec un peu de recul maintenant que c'est vraiment cette éducation hyper rigide à l'ancienne. Vous respiriez d'un coup. Ouais, et du coup, et surtout ce souffle, cet air que je respirais, où j'étais libre de penser et de sentir et de vivre, ben, c'était tout l'opposé de ce qu'on a essayé d'enlever de moi. Donc c'était pas juste « ouais, je lis Artaud » ou de Les Égouatari pour frimer, pour dire que je fais l'intello. Non, c'était, moi, je les lisais naïvement, autodidacte, avec naïveté, quoi. Mais nécessité. Ouais. Et quand je comprenais quelque chose, je m'en servais. C'était une nourriture. C'était une trame. Deuxième choix se tourne vers une philosophe éthologue, Vinciane Després. On va l'écouter, si vous le voulez bien, d'abord, dans une archive qui date de 2019. Elle est au micro de la Grande Table sur France Culture. Elle parle du chant du merle. Alors, le chant d'un merle, c'était pour moi une expérience relativement bouleversante, dans la mesure où j'ai réalisé à quel point ce chant était compliqué. Et en même temps, ça c'était d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que si vous écoutez un chant d'un merle, vous allez remarquer très vite que la fin de chaque séquence est différente de la séquence précédente. Donc il va répéter les mêmes notes et puis une petite invention. Et une petite invention qui est adressée. Et donc moi, ça m'avait déjà cognitivement bouleversée, je vais dire, j'étais pleine d'admiration. Puis c'était beau, c'était magnifique. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait le fait que j'étais émue parce que, en fait, je me souviens quand j'ai entendu ce merle, c'est un peu plus tard que l'enfance. Quand j'ai entendu ce merle, j'ai pensé à un truc un peu idiot, mais ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bon Dieu, je crois que ce sont les merles qui ont inventé l'importance. Et tellement je sentais que quelque chose importait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est Baptiste Morisot qui me l'a soufflé. Ce qui m'est arrivé, disait-il, affectivement, de sentir, d'être traversé, bouleversé, ému par le fait que quelque chose importe à un autre être, et peut-être le fait qu'il y a un fond ancestral commun entre les merles et nous. Mais très très lointain, mais peut-être pas très large comme fond, mais suffisant pour que quand quelque chose importe à un être qui est pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir aussi sans du tout savoir de quoi il s'agit, juste savoir qu'il y a quelque chose qui importe. L'oiseau chante. Avez-vous déjà voyagé en train, un casque sur les oreilles? Avez-vous ressenti, comme j'ai souvent pu le vivre, que le paysage pouvait être bachien ou tchaïkovskien? À quel point la musique s'imprime, recouvre, affecte à ce moment ce qui nous entoure? Un accordéon dans le métro ne change-t-il pas non seulement l'humeur, mais la perception même des choses? Le monde devient non musical, mais mélodique. Et ce n'est plus une mélodie associée à un paysage, c'est la mélodie elle-même qui fait un paysage sonore. En d'autres termes, l'acte de territorialisation serait entre autres un acte de musicalisation d'une place. Je précise entre autres parce qu'il y a également les postures, les rituels dansés, les menaces spectacularisées, les couleurs, les battements d'ailes et l'arpentage de l'espace. À observer un oiseau devenant territorial, on ne peut manquer les répétitions incessantes de ces arpentages. Comme les chants d'ailleurs, tout se fait dans la répétition. On l'a raconté tout au début, l'oiseau choisit un promontoire, puis se déplace dans un espace qui se constitue progressivement comme espace d'appropriation par des allées et des retours répétés, des arpentages rythmés. On peut penser que par ces arpentages, d'une part l'oiseau signale le territoire, d'autre part également il devient chez lui. Par la constitution d'une profonde intimité avec un lieu ainsi approprié et ses particularités, l'espace devient familier. C'est votre deuxième choix, Pierce Faccini, et c'est un texte de Vinciane Després qui s'appelle « Habiter en oiseau » qui a paru aux éditions Actes Sud Nature en 2019. Et juste avant, on entendait sa voix où elle parlait de l'expérience initiale qui a donné lieu à ce texte, où elle écoute le chant du merle. Ce que je trouve assez beau dans l'extrait que vous avez choisi, c'est le lien entre le chant et la territorialisation. Exactement. Qui n'est pas loin de ce que vous disiez de votre lecture des 1000 plateaux. Ouais, mais complètement, en fait. Et donc, le livre, il est vraiment magnifique. Après, il est bien dense aussi. C'est un livre, faut bien se concentrer sur toutes les pages parce que c'est une recherche qui est extrêmement érudite, enfin, à mon sens. Mais après, ce que j'adore, c'est que le livre, il commence avec ce même type de description, c'est-à-dire elle décrit qu'elle est complètement bouleversée, en fait. Elle tombe amoureuse de ce champ de mer, elle est émerveillée. Et puis ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va analyser et récolter tout ce qu'elle peut trouver de la recherche scientifique sur le comportement et la territorialisation des oiseaux. Et puis, elle va les décliner, elle va l'analyser et vraiment le mettre devant nous. Et on apprend énormément de choses, mais c'est assez neutre comme ça. Et puis, petit à petit, elle fait ce portrait et on se rend compte, mais première chose, on se rend compte qu'on connaît pas beaucoup sur les oiseaux, ça reste très très mystérieux. Et puis après, elle décrit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire que on ne peut pas découvrir quelque chose si on n'a pas la bonne question. Si on a la mauvaise question, eh bien, on peut pas arriver à ce fait-là, en fait. Et donc, il y a tellement de choses qui nous échappent simplement parce qu'on n'a pas encore compris comment adresser la question. Donc ça, c'est génial. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, par exemple, par rapport au comportement des oiseaux. Après, bon, le livre, il finit avec elle, de nouveau, sur cette espèce de chanson d'amour sur l'oiseau. Et là, c'est là où je la rejoins tout à fait dans ses descriptions. Et j'adore celui-ci parce que j'adore l'idée que quand on chante pour que le lieu devienne chez soi. Ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais. Et aussi, l'idée que territorialiser, c'est emmusiquer d'une certaine manière. Ouais. Et puis aussi, ce que j'ai adoré qu'on comprend dans ce livre, c'est que le mot territoire, on ne parle pas de passeport et de frontières. Mmh. Ce n'est pas ça, le territoire. Les territoires, c'est les champs qui sont à la fois visibles et invisibles et qui sont multiples. Et les oiseaux, ils ont tellement de territoires. Et c'est cette espèce de... Et en fait, quand je chante, eh bien, je suis aussi un peu comme cet oiseau-là. Et j'ai cette même sensation que quand je chante dans un théâtre, eh bien, pour être bien et toucher les gens, il faut que le chant et le théâtre deviennent mon territoire de chant. Pas mon de ce moment-là. Ouais, pas mon territoire personnel ou corporel. Mm. C'est-à-dire qu'il devienne le territoire du chant et que le chant soit un sort de chez-soi qui va ouvrir une porte émotionnelle aussi au public et on va partager ce territoire, en fait. Quand est-ce que vous l'avez compris, ça? Quand est-ce que vous avez compris que chanter, c'est installer quelque chose dans l'air? C'est difficile de trouver des bons mots pour le dire, mais... Non, j'aime bien installer dans l'air. C'est faire du chez-soi, quoi. C'est fabriquer du chez-soi. En fait, c'est étrange parce que au début, ça m'étonnait parce que j'avais tellement de trac et j'avais peur. Mais il y avait un truc étrange que quand je commençais à chanter, les gens, ils étaient, en anglais, on dirait transfixed. Ils étaient complètement pris, quoi. Comme si quelque chose s'arrêtait et il n'y avait que le chant. Et je ne sais pas, c'est une énergie, c'est un... Je ne l'ai pas appris, je pense que c'est juste quelque chose que j'ai peut-être reçu quelque part, mais comme l'oiseau, quand il chante absolument, sans aucune réserve, c'est hypnotisant. En fait. Mm. C'est ce que Vinciane Després, elle décrit, quand le merle il se met à chanter, il chante tellement entièrement dans tout son corps, dans tout son être... Que t'es pris, et si tu n'es pas pris, bah, je suis désolé pour toi. Troisième choix, c'est un texte de Jean-Marc Rochette, qui s'appelle « Au cœur de l'hiver ». Il est paru aux éditions Les Étages en 2024 et c'est le récit d'une hibernation. Est-ce que vous voulez nous dire un instant pourquoi vous avez choisi ce texte-là, Pierre Svacini? Alors, j'ai choisi ce texte parce que, en fait, j'ai rencontré Jean-Marc Rochette assez récemment et aussi Christine Kam. Et aussi, ils ont aussi un récit que j'ai écrit dans leur maison d'édition qui s'appelle Les Étages. Et donc... avec Christine, on est en train de mettre en place un dialogue déjà sur peut-être ce livre illustré que je sortirai, j'espère, chez eux. Et donc, c'était l'occasion de plonger pour moi dans le livre de Jean-Marc. que je connaissais de réputation, mais je ne connaissais pas bien son travail. Et Donc rapidement, auteur de bande dessinée, notamment connu pour tout son travail autour de la montagne. Ouais, Elle froide. Très, très vite. Exactement. Et ce récit, il est hyper touchant. En fait, c'est un récit où il décrit que pendant le début du confinement, dans cette espèce d'environnement de fin du monde, lui et Christine décident de quitter Paris, ils fuient Paris, et en fait, ils vont s'installer entièrement coupés du monde pendant 3 mois dans ce petit hameau qui s'appelle Les Étages, dans les Alpes. Aucune route, enfin, vraiment, il y a de la neige partout, et ils sont coupés du monde. Que ça fonde. Quoi. Exactement, donc pendant 3 mois, et c'est très touchant parce que à la fois la relation qu'il décrit, cet amour qu'ils vivent ensemble, mais ça me touche énormément parce que c'est comme si il se rend à la montagne. En fait. Et ça, je comprends vraiment. En fait. Moi, j'ai quitté Londres pour me rendre pas à une montagne aussi haute et aussi dangereuse, peut-être, mais quelque part pour me rendre à la musique de la montagne et à l'énergie de la montagne. Et ça, dans ce récit, c'est... En fait, ce que j'aime bien, c'est que Jean-Marc Rochette, quand il utilise des mots, il l'utilise comme un peintre, comme un dessinateur. Il est dans une sorte de réserve. Ce qu'il est par ailleurs. Ouais, c'est ça. Mm. Mais j'aime bien parce que c'est comme d'une limite, quelque part, il le rend sa force. Parce qu'il a une espèce d'économie de mots. C'est un texte sans floriture, mais du coup qui est très chargé de sens et de poésie et de vérité, parce qu'il est tout le temps face à la matière. Parce que quand on vit dans la montagne, on ne peut être que face à la matière. Et c'est très dramatique. Il y a même un moment dans son récit... Un couple qui meurt. Ouais, et puis il y a une avalanche qui passe, qui effleure leur maison. Quoi. Oui, il y a vraiment l'idée de se rendre à la montagne aussi dans la dimension où ils éprouvent l'un et l'autre le fait que leur vie est toute petite et qu'elle... Exactement. Même si elle est très résistante, c'est aussi un récit qui montre que leur corps est résistant, que leur corps peut beaucoup de choses, mais leur corps peut aussi être emmené comme n'importe quel corps en 3 secondes et demie par la neige. Je pense absolument. Et puis après, je pense que son parcours d'alpiniste, on est face à la mort. Je pense que ça, il le décrit dans son travail. L'ombre de la mort, elle est tout le temps là. Mais c'est ça que j'adore, c'est qu'au même temps, son émerveillement... face à la nature, face à l'aigle. Et au regard de la présence de la mort et de sa conscience de la mort. Voilà, où c'est hyper touchant quand avec Christine, il soigne ce renard qui a, j'oublie, une espèce de peste. Et ils arrivent à la soigner en laissant un peu de médicaments dans un peu de viande. Enfin, c'est, je sais pas, c'est un sort de miroir pour moi en termes de sensibilité. J'ai beaucoup de choses en commun avec sa façon de voir le monde. Bah alors, un extrait ? Au cœur de l'hiver. Le hameau est plongé dans l'ombre de début novembre à fin mars. Son ensoleillement est minimal et pourtant il semble baigné dans une lumière constante. Le secret de cette étrangeté, ici, ciel et soleil ont déjà des éclats de Méditerranée. Le massif des Écrins se situe aux alentours du 45e parallèle à la hauteur de Valence. Passé cette ville sur l'autoroute, on sait d'instinct que Marseille n'est plus très loin. On entre en Provence. Ainsi, pendant l'hiver, alors que le fond de la vallée reste dans l'ombre, le soleil irradie à pleine puissance les faces exposées au sud. Les pentes couvertes de neige réverbèrent les photons comme de gigantesques fours solaires. Des maelstroms de particules lumineuses rebondissent sur l'adret pour illuminer, par ricochet, les parois les plus austères de Lubac. Et c'est pendant mon séjour à Berlin que la lumière des Écrins a commencé à me manquer. Sous le ciel de zinc de l'Allemagne du Nord, je me suis souvenu avec nostalgie du bleu des sommets, ce bleu que j'avais longtemps poursuivi comme une chimère. Je croyais que l'alpinisme pouvait ouvrir une voie vers je ne sais quelle source sacrée. Je m'y suis cassé les dents. De la même manière, je pensais qu'il y avait en peinture une forme d'alchimie de la matière et que tout au fond de celle-ci existait une porte de sortie. J'y ai rencontré ma limite. Je ne sais pas d'où venait cette foi. En fait, J'adorais quand il parle du bleu déjà, parce que moi j'habitais à Londres, donc je connais tellement ce truc de cette espèce de truc qui me tirait quoi vers ce bleu et j'étais affamé de ce bleu que moi j'avais. Et vous l'aviez connu où initialement? En fait, en Italie, toutes les vacances quand j'étais petit, j'ai connu ce bleu et j'ai quitté Londres pour aller vivre dans les Cévennes. Pareil, on pense pas à la Méditerranée. Et au bleu de la Méditerranée quand on pense à les Cévennes, mais les Cévennes, les Sud-Cévennes, on est sud, même si on est dans la montagne. Et du coup, le bleu des Cévennes, de ce ciel, c'est exactement comme il le décrit là. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, vous mentionniez l'expérience quasi amoureuse que Vinciane Després vit avec le chant du Merle. Mais Jean-Marc Rochette, il raconte aussi très bien comment c'est un coup de foudre, c'est une histoire d'amour qui remonte à l'enfance. Il tombe amoureux de ce bleu-là et puis, en effet, il fait une expérience où il frôle plus que la mort, vers l'âge de 20 ans, je crois. C'est ça, ouais, exactement. Puis, il y a cette période à Berlin, et il retourne vers le bleu comme on retourne vers un amour. Il y a vraiment quelque chose de très... Ouais, complètement. Et donc ça, je me suis tellement retrouvé dans ces mots. Et puis l'autre chose que j'ai adoré, c'est son premier amour, c'est la peinture. Donc il part des peintres figuratifs... comme Soutine, des gens qui l'ont vraiment influencé, et qu'il rêvait jeune qu'il allait devenir ce genre de peintre, en fait. Et moi, pareil, quand je regardais Bacon, moi, je me disais, moi, je veux être comme Bacon. Oui, il dit qu'il a rencontré sa limite, en fait. Oui, c'est-à-dire de sa limite, c'est devenu... Aussi, mais moi, j'ai aussi rencontré ma limite. Mon premier amour, c'était la peinture, et je voulais être Bacon, quoi. Et en fait, voilà, j'ai dû me réinventer ailleurs en faisant autre chose. Et donc ça m'a bien parlé, ça aussi. Quoi. On va rester du côté du paysage avec le quatrième choix. C'est un texte de Clara Arnaud. Là aussi, c'est un texte récent, paru aux éditions Actes Sud en 2023. Et le texte s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». L'extrait que vous avez choisi a vraiment à voir avec la capacité aussi de décrire par les mots l'observation d'un paysage, Pierre Sfaccini. Ouais, c'est quoi ce livre? En fait, donc, Clara Arnaud, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait récemment une musique de film pour Eliane de la Tour, un film qui s'appelle Animus Femina. Et en fait, elle a été la première fois où on a montré en public le film. Et donc elle m'a donné son livre en disant aussi, qui m'a beaucoup touché, qu'elle a beaucoup écouté ma musique en écrivant. Donc ça, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Donc je me suis mis à lire son livre et que j'ai vraiment adoré. Elle a une plume assez extraordinaire, vraiment un talent. Pour la musique des mots, mais c'est surtout ce récit m'a beaucoup touché parce que c'est un récit qui est très touchant, qui est émotionnel, qui est bouleversant par les enjeux de ces trois personnages, en fait, ces trois narrations parallèles qu'elle décrit dans le livre. Et surtout, je me sens encore une fois très proche à ça parce que je vis dans les Cévennes et donc on vit ces personnages-là, en fait, qui sont... C'est-à-dire, il y a les gens du coin qui ont toujours vécu là-dedans, qui sont des gens qui sont vraiment les habitués, c'est des gens qui sont enracinés dans une mode de vie, même ancestrale, parfois. Et puis après, il y a ceux qui ne sont pas baignés là-dedans, mais qui sont attirés comme des aimants à vivre ça, à vivre la montagne, aller comme vers le bleu, ou comme Jean-Marc Rochette. Donc moi, je suis un comme ça. Et donc, c'est ce qu'elle décrit. Et puis après, il y a l'enjeu, évidemment, du monde sauvage et l'enjeu du vivant dans tout ça. Et effectivement, dans cette histoire-là, c'est une histoire d'ours. Et ces ours qu'on réintègre dans ces montagnes. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand une ours commence à manger les brebis? Ceux qui défendent l'ours et puis ceux qui disent, en fait, il faut la buter parce qu'on a toujours fait ça. Mais pourquoi j'ai choisi, en dehors de cette histoire-là et de cette narration-là, parce que c'est un moment d'émerveillement d'un jeune berger qui se bat pour rester berger, pour pouvoir survivre, parce que c'est une vie tellement dure. Et comme il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui se battent pour rester berger. Voilà. Et donc ça, c'est hyper touchant, mais c'est surtout cette description du berger vers l'environnement autour de lui, et l'émerveillement, encore une fois, qu'il reçoit. Ça revient. Qu'il perçoit. Ouais. Ça revient, cet émerveillement, c'est quand ça. Même, dans les choix. Oui, avec l'âge. On vous écoute. D'année en année, il devenait plus attentif aux moindres variations du couvert végétal, au débit des rivières, au niveau de la neige en avril. À la pluviométrie d'août, il affûtait son regard sur la montagne et des éléments neufs lui apparaissaient. Un tronc noueux dont il n'avait jamais encore détaillé la courbure, un nid qu'il découvrait dans l'anfractuosité de la falaise, une nouvelle perspective. Il songeait alors qu'on pouvait ainsi sonder une estive, comme un monde en soi, en posant un regard toujours plus minutieux sur chaque chose. Cela avait été, pour Jean, l'affaire d'une vie. À l'horizon, le vert dominait, mais il suffisait de regarder à ses pieds pour découvrir une myriade de taches multicolores, les fleurs constellées, les pelouses printanières, le violet des gentianes, le jaune des boutons d'or, puis le bleu du ciel, le noir des roches, une palette chromatique qui évoluerait au fil des jours. J'insiste juste un tout petit peu, Pierre Sfaccini, parce que le paragraphe que vous avez choisi commence par « d'année en année ». Et puis vous avez dit « oui, l'émerveillement, mais avec le temps ». Vous diriez que ça a été un de vos parcours à la fois de lecteur et de vie. Ce serait d'avoir de plus en plus de place pour ça, ou c'était présent dès le départ? Non, je pense qu'absolument. C'est-à-dire que je pense qu'au début, il y a un émerveillement. C'est-à-dire dans l'enfance? Ouais, l'enfant qui regarde les livres et l'enfant qui reconnaît tous les visages des peintres italiens. Et, la merveille. L'enfant qui écoute son père, qui écoute les quatuors de Beethoven. Enfin, c'est genre, what is that? C'est quoi? Mais c'est incroyable, quoi. C'est ça le monde, je veux en savoir plus. Et puis après, il y a l'histoire de la vie qu'on doit subir, une éducation, une sorte de dureté. Et je décrivais un peu cette bataille. Et puis après, il y a une espèce de militantisme. Je décrivais un peu le côté Artaud, Bacon, Deleuze et Guattari, tout ça. Mais après, ce militantisme, je me suis rendu compte que ce que je cherche avant tout, c'est la paix, l'émerveillement et le silence. Et la musique qui percute le silence, en fait. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Et cette musique-là, je ne la sens... Elle est au plus forte quand je suis dans les montagnes, et quand j'écoute les oiseaux, quand j'écoute le vent dans les arbres. C'est ça l'émerveillement, et je me rends compte que c'est tellement fort que j'ai pas besoin d'être artiste. C'est pas très important, en fait. Je pourrais arrêter, ça n'a aucun sens, c'est pas grave, parce qu'il y a ça. Donc c'est vraiment, mais tout naturellement, qu'on termine avec un poème de Rumi, non? Oui, c'est, ça se pose ça se pose tout parfaitement sur la branche. Est-ce que vous voulez nous dire un tout petit mot sur le poème que vous avez choisi? C'est un livre qui s'appelle Le divan de Shams et Tabriz. Et en fait, Rumi, qui est vraiment un de mes poètes préférés, donc poète du XIIIe siècle, soufi, en fait, il a rencontré son ami, dans le sens avec un majuscule, ou son maître, son amant quelque part, qui est cette figure du poète Shams et Tabriz. Et en fait, ils ont une histoire incroyable, et c'est comme si Shams, c'est celui qui fait un peu ce que décrivait Deleuze sur Bacon, c'est-à-dire qu'il enlève l'illustratif et il va direct à la sensation. C'est-à-dire que Rumi, c'était un érudit, et en fait, Shams, il lui montre que l'érudisme, ça n'a rien à voir avec le cœur, et que le cœur, il est primordial. Et donc, il lui brise son cœur, quelque part. Sauf que, donc, ils vivent cette histoire ensemble, et de façon très passionnelle, avec ce... Et, sauf qu'un jour, Shams, il disparaît. Et Rumi ne le revoit plus jamais. C'est horrible. Et donc, il va désespérément, et il essaye de le chercher, de le retrouver, et il ne le retrouvera jamais. Et donc, son livre, c'est cette espèce de... C'est à la fois tout ce que Shams lui a apporté et lui a ouvert en lui. Donc, quelque part, il n'y a pas de manque, puisqu'il l'a ouvert tellement que la musique, elle est permanente. Mais en même temps, il y a quand même ce langage très romantique. En anglais, on dit « longing ». Et je ne sais pas comment le traduire en français. Se languir ? Ouais, c'est languir, mais... C'est pas bien. Ouais, c'est... En tout cas, c'est cette musique-là. C'est « the music of longing », c'est la poésie de longing. Longing, c'est quand on cherche la présence de quelqu'un qu'on a perdu. Et c'est irremplaçable, quoi. C'est ça. Vous allez le lire en français ? Oui. Dans la traduction de... Christian Jambet. Mais, sans cette traduction... Ouais. Il faut juste qu'on remplace dans notre tête le mot ronce par épine. Ouais. Ok ? Ça marche. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Svacini. Merci. Moi, c'est de toi seul que je fais choix en ce monde. Consentiras-tu à moi à ce que je prenne place mélancolique ? Mon cœur est comme le calame au creux de ta paume. C'est par toi que cela se fait. Si je suis morne ou si je suis en joie. Sinon, ce que toi tu désires, que serais-je moi? Sinon, ce que tu manifestes, que verrais-je moi? Parfois, de moi, tu fais pousser des ronces, parfois des roses. Parfois, je respire le parfum de la rose. Parfois, j'arrache les ronces. Moi, je suis comme cela, si comme cela tu me prends. Et moi, je suis comme ceci, si comme ceci tu me désires. Dans cette jarre où tu offres au cœur sa couleur, que serais-je ? Que serait-il, mon